bien probando les questions. Comment vous allez? Bien, moi, bien. Bien. Hier, une fois, on avait commencé avec les questions, on avait la première question, n'est-ce pas? Une question, frère. Baissons la tête, on va prier. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance et pour tes bontés pour nous. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta protection. Tu as permis que nous soyons ici ce soir, nous rassembler devant ta sainte présence. Merci de nous y avoir fait conduire jusqu'ici. Merci Dieu parce que tu vas nous faire retourner jusqu'à la maison de la gloire. Et que toute la gloire te revienne. C'est toi qui nous guides et qui sanctifie chacun de nos pas, qui dirige nos vies, nos cœurs, nos actions, nos pensées. Père, nous soumettons nos cœurs justement à ta main maintenant, afin que tu nous y conduises maintenant dans la parole. Et que ton esprit nous dirige au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié au Père de gloire, afin que si le genou, le cœur ou la pensée de quelqu'un ici s'est glissé vers le monde, d'un sanctifier et rectifier son tir, afin qu'il marche dans la droiture. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Seigneur, ta parole déclare que le juste tombe sept fois et tu le relèveras. J'ai prié au Dieu que tu relèves quelqu'un qui tombe. J'ai prié au Père de gloire que tu sanctifies le cœur. Je sanctifie les pensées. Donne-nous, Dieu, gloire d'être totalement en toi et d'être conscient de la pourriture de ce monde et de la nécessité de vivre dans la sainteté. Donne-nous, Dieu, de gloire de vivre effectivement et rechercher cette sainteté-là, car sans cela, on ne peut pas te voir. Donne-nous de vivre pour toi, Seigneur Jésus, au milieu de cette perversité du monde, que nous triomphons par la sanctification. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Que notre Seigneur vous bénisse. Comment était votre... Nous sommes quand nous sommes jeudi, dimanche. Oui, ma voix est finie à cause de moi. Ça n'est pas frère? Le Seigneur va restaurer. Le Seigneur va restaurer. Quand on demande de prier, c'est là où vous finissez, non? Il dit au frère, si quand il est monté tout à l'heure, que c'est toi qui prie. Non, frère, pardon, ne cherche pas de problème. Donc chacun sort de la maison, ils savent que je suis venu écouter. Vous serez surpris, non? Alors... Comment vous avez passé votre temps, votre dimanche à maintenant, raconté depuis la prière. On commence où? Et attends, avant qu'on continue, on comprend bien. On commence par ta question, je crois. Et puis je vais prendre la question qui est là. Donc, nous avions une série de questions qu'une personne en France a posées, et ce sont les bonnes questions que nous pouvons nous poser. Dans sa première question, il avait dit comment savoir qu'on est appelé. C'est parce que vous avez été là, on a répondu à cette question-là ici. On va avancer dans la suite des questions. Si on ne sait pas où la question se trouve, on va lire, on va voir ce que la parole nous dit. C'est en fonction des questions, parce que les problèmes que nous avons, ou les solutions que nous avons, ce ventilateur-ci a été fait par suite du fait que quelqu'un resté là, dit, je ne peux pas dire indéfiniment faire comme ça. C'est que tu as fini par te fatiguer. Vous voyez, vous avez les vents, vous savez comment ça fait des éventails. Vous faites comme ça, vous faites comme ça. Non seulement la quantité, dès que vous venez par là. Mais vous faites comme ça, vous allez finir par vous fatiguer. Et même, si vous voulez dormir, il y a la chaleur, on ne peut pas dormir en faisant comme ça. On ne peut pas. Alors on a donc imaginé, parce qu'il y avait un problème, on a imaginé la solution. C'est quand il y a un problème qu'on cherche la solution. Mais en réalité, les solutions existent avant les problèmes. En réalité, tout ce qu'on fait là, on découvre seulement. Pas vrai? Si on découvre, ça veut dire la chose est là. Si on découvre, c'est que la chose est là. Vous savez, Vous égarez votre stylo à la maison, bien dit, la lame de rasoir, vous cherchez, ne voyez pas. Un moment donné, vous dites, ah, c'est ici. Vous voyez que vous avez un problème. Vous cherchez la lame de rasoir. Vous avez découvert où ça se trouve. Bon, la lame de rasoir est là avant que vous la cherchiez. Que Dieu vous bénisse, vous avez compris. Alors, vous avez la maladie. Arrêtez la maladie là pour que la guérison. Vous avez d'abord la guérison avant que la maladie ne vienne, pas vrai? Donc, arrêtez, vous ne cherchez pas la guérison. Vous voulez recouvrir la guérison. Vous ne cherchez pas la guérison, vous voulez la recouvrir parce que vous étiez d'abord en santé. Vous me suivez? Comment vous allez là-dedans? Vous ne voulez pas parler, je ne profite même pas, mais comme ça. Non, mais c'est quand même curieux. Il y a une femme qui dit que les femmes ne doivent pas parler. Bon, pas bien saisi. Comment? Pas bien saisi. Parlons, comme j'avais décidé de parler, parle. Donc, comment c'était dimanche? Ah, dimanche, c'était merveilleux. Tous ces jours-ci, Moi, je venais pour autre chose et l'Esprit de Dieu nous a conduit sur autre chose. Oui. Sur la maladie oui. qui était, j'avais des palpitations énormes. Oui. Alors, l'Esprit de Dieu nous a dit le jour-là que le sang monte en flot. Il y a fluctuation. Il y a fluctuation, ça monte, ça descend. Et c'était très rapide. Alors, j'avais des palpitations énormes que je n'arrivais même pas à bien respirer. Au fait, ce n'est pas pour cela que je venais. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu lui a détecté dimanche. Bon, selon toi, entre le problème que le Saint-Esprit en a parlé et le problème pour lequel vous venez, lequel paraît plus important? Le Saint-Esprit est toujours le meilleur. C'est ce que le Saint-Esprit a détecté d'abord qui est le plus important. Amen. Bien. Alors, j'ai fait asseoir en moi le problème que j'amenais. J'ai suivi la voie du Saint-Esprit, j'ai cru. Amen. J'ai donné toute ma foi à ce que disait l'Esprit de Dieu le jour-là, Amen. Dimanche passé. Alors, de telle sorte que quand je rentrais ici, je ne savais pas que j'étais guéri. Le cœur battait toujours. Ça continuait. Le frère qui m'a conduit jusque-là. J'arrive à la maison. Je dis à ma femme que j'étais en prière, à la prière quelque part. À moi, je ne trouve rien. Tout bien. Je dors, je me réveille lundi. Je ne sais pas où entre lundi et mardi, c'était passé comment. Dans la douche, quand je sortais, la maladie, je ne sais pas à quelle heure j'étais parti. Je sais moi-même de. De réveiller. C'est à quel niveau, c'est à quelle intonation. Je ne rire pas, je n'arrive pas à comprendre à quelle heure j'étais parti. Entre. Dans la nuit du dimanche ou dans la nuit de lundi, je ne sais pas. C'est bien après quand je me suis fait, mais attention, je ne sens plus ça. C'est parti à quelle heure? Je ne sais pas. Vous allez savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Alors la chose c'est ceci. Lorsque Dieu vient, il dit que voici le problème que tu as. Tu te souviens? J'ai dit que je devais aller à la radio ici où j'ai dit je vais vous placer sous son influence. Vous étiez venu à deux, c'était dehors. J'étais là dehors. Il dit toi, entre. Parce qu'on était debout. Le Saint-Esprit dit fais entre celui-là, il a l'ombre sur lui. L'ombre symbolise la mort. Ça veut dire qu'on t'a couvert comme ça. Ça symbolise. Donc quand tu marches, vous voyez, souvent quand les nuages marchent. Lorsqu'il fait clair et que vous voyez souvent les clouds, c'est comme ça se déplace. Quand le ciel est clair et qu'il y a des taches, des nuages blanches, là, souvent ça se déplace. Quand vous marchez comme ça, quelque chose au-dessus de votre tête, mais noir, c'est la lecture de ça qui donne quel est le problème que vous avez en vous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et là, vous marchez avec cela. C'est Dieu qui vous a conduit. Et s'il dit, appelle-le. J'ai dit, ce jour-là, je n'ai aucune puissance par moi-même. Les deux yeux que vous voyez là, il n'y a pas un autre des yeux cachés derrière des yeux là. La main que vous voyez, il n'y a pas une autre main cachée. Mais tout ce que je sais faire, comme maintenant, je ne sais pas, je vais ouvrir les questions, je ne sais pas quelles sont ces questions. Là, la Bible que j'ai prise, j'ai mis là-bas. J'ai lui fait confiance parce qu'il a dit, lorsque vous serez debout, si on vous pose une question, ne permettez pas ce que vous avez dit. Ne permettez pas votre défense, car c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est pour ça que, donc il voulait faire confiance comme ça. C'est-à-dire que, s'il me dit, va dans la chambre, il sait qu'il va dans la chambre. Si c'est pour prendre quelque chose, il va prendre. La chose qu'il a dite. Je vais vous dire, si Dieu dit maintenant que on va maintenant au Sénégal, je vais au Sénégal, bien, je ne sais pas où, au Maroc, où au Sénégal. Amadou Aïdjo, c'est tout où? Au Sénégal. Il dit qu'on l'a enterré à tel endroit, il dit que va appeler Amadou Aïdjo, il sort du tombeau, Dieu qui dit prend la vie, pas au Sénégal. C'est ce que je dois demander. C'est-à-dire que s'il dit, avant, il est mort depuis, non? Même moi, il n'est pas vu physiquement, pas vrai. S'il dit, va au Sénégal, je vais au Sénégal. Il dit, appelle, je l'appelle avant de devoir sortir. Parce que c'est lui qui a dit. Il ne peut pas dire quelque chose qui n'existe pas. La Bible déclare qu'il appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parce que pour lui, ça existe. S'il appelle, ça va venir. Alors, s'il dit, le sang fluctue. Ça, il veut dire par là que j'ai vu quel est ton problème. Le moment et la solution. C'est ce qu'il a dit. À cette jeune fille, il dit deux choses. Et il a seulement dit quelque chose qu'elle connaît, mais l'autre, elle ne peut pas connaître. Parce que si tu traverses le poison, tu ne peux pas savoir que tu as traversé le poison. Tu traverses le poison, tu marches quelque part, tu ne peux pas traverser le poison, sachant que ici, c'est le poison. Parce que l'aspect des poisons que vous voyez, quand vous voyez un ami de cola quelque part, l'arbre de la paix avait 500 francs, C'est à distance que tu travailles. Tu dis, si on vous a envoyé des rêves, moi, vous n'aurez pas me voir. Mais maintenant, que dit, c'est que quelqu'un est venu dans le carrefour, se laver la nuit, faire des incantations là-bas. Là, tu ne vois pas. C'est pour ça que tu travailles là-bas comme innocent. C'est pour cela qu'on doit être couvert par le Saint-Esprit. On n'est pas couvert par le Saint-Esprit. C'est un peu comme quand vous marchez, regardez, s'il y avait trois, en suivant cette direction-ci. Donc, il va marcher un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, le mur va m'arrêter parce qu'il y a un mur. C'est parce qu'on n'est plus sur le plan physique là. C'est sur le plan physique. Parce que j'ai la chair et c'est le mur qui doit me bloquer parce que la loi naturelle veut qu'un objet ne traverse pas un objet. Mais dans le cadre spirituel, c'est comme ça. Si vous êtes en train de marcher, alors vous, quand vous marchez, vous quittez pour venir ici, vous allez certainement passer les gens, traverser les gens en route qui marchent avec les yeux, d'autres qui marchent avec la tête, quatre têtes. Si tu vois, c'est que tu n'as plus sorti de la maison. Donc nous les traversons. Alors les sept personnes vont te regarder. Alors qu'est-ce qui arrive dans ton corps? Alors celle-ci a traversé quelque chose. Maintenant, la semaine dernière, donc j'ai dit, certains d'entre vous, quand vous êtes sous cette influence, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Vous voyez cela? Pour d'autres personnes, même maintenant que je vous ai parlé, dans trois mois, ils verront la chose. Jusqu'à trois mois. Nous sommes quand? Nous sommes en janvier là. Janvier, février, mars, le début avril, jusqu'à ça, il y aura des faits. Vous voyez cela? Ça veut dire qu'on dit, je suis là. On dit, oh, il ne m'a pas touché, il ne m'a pas touché. S'il vient maintenant, il touche. Regarde. Bonsoir. Ça, c'est le frère Julien. Mais si lui, il entre, il dit un autre bonsoir, ça ne sera plus moi. Et il faut que ce soit lui qui fasse comme ça. C'est-à-dire qu'un bonsoir qui règle les problèmes. Problème humain, je peux essayer de mener, de régler au milieu de ma force. Mais si j'avais des problèmes spirituels, il faut que ce soit quelqu'un qui est de ce domaine-là qui puisse régler. Alors, vous et moi, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de nous abandonner en sa main. Mademoiselle, parle-moi, ça va? Oui. Est-ce qu'elle va parler autrement? Quand moi, je ne vais pas vous entendre. Oui. Vous m'avez fait crier si ma voix est finie. Je demande seulement que ça, comment ça va? Parle-nous. Voilà, autour. Et voilà. Après la prière de l'homme. Oui. Les douleurs là, ce sont comme tu peux se jouer pour m'amener. Je dis, hey. Ça m'attendait, mais ça attendait seulement la prière. Vous pouvez poser des questions, non? Vous avez suivi ce qui se passait ici, non? Donc, il sort là. Et vous avez comment, ici, debout, je lui ai dit, assieds-toi. Assieds-toi. Mais quand il sort, elle en a une mère. Parle. Hier, donc, on a voulu que ça m'a encore pris. Je crois avant-hier, ça m'a encore pris fort parce qu'elle avait envoyé le message qui dit, mais, regarde le douleur, c'est alors. La fille était vraiment cachée. Et des fois, elle était juste avec moi. Elle avait mal, même à la tête, à franchement, c'était réglé, ça ne s'arrêtait pas. Ça n'était seulement mal comme ça. Et puis, hier, là, j'ai dit, mais j'ai appelé sur la tête. Mais je me suis rappelé de la parole que vous m'avez donnée ici. Et je suis même donné de. Je suis rentré dans le verset que nous avons lu ici, là. Avec ce que je suis en train de dire. Pas la grâce de Dieu. J'ai médité sur ce passage du livre en fait. J'ai prié comme vous m'avez demandé de prier ici. Parce que ce que vous avez dit au sujet de la prière a encore arrangé ma façon de vivre. J'ai fait comme vous avez demandé ici et juste à prier à mes sang pour le prier. Mais s'il n'y a pas la douleur, tu devais encore prier. Non. Donc s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la douleur, est-ce qu'elle devait encore prier? Non. Reste avec chacun, dit oh, il y a quelqu'un là-bas qui prie. Pas vrai? Mm-hmm. Oui. C'est pour ça que je Je suis devenu, d'accord? Oui, des questions? Concernant la nature du chrétien, oui. Il a été dit que le chrétien, quand on devient chrétien, nous avons les choses en nous que nous devons déconstruire, oui. afin de ressembler à Jésus-Christ. Donc, je veux maintenant savoir, dans Actes chapitre 8, oui. À quel niveau les Samaritains sont devenus chrétiens? Bonne question. C'est quoi un chrétien? C'est un villageois arrivé en ville. Laisse ma parole. Comment tu prends ma parole pour me dire quoi? Bonjour. Ça, c'est moi qui suis devenu chrétien comme un villageois. Il dit ce terme-là pour qu'on sache comment la procédure est. La Bible définit un chrétien comme étant qui? Parlons de la Bible. La Bible définit un chrétien comme étant qui? Un né de nouveau. Autrement dit, oui, un autre nom, un autre nom. Un converti. Oui, encore. Oui, restons sur converti. Qu'est-ce que tu appelles converti? Oui, mais qu'est-ce que tu comprends par converti? Converti, c'est-à-dire. Lorsque nous sommes passés d'une nature à une autre. Comment on passe? Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Ah bon? Posons la question, c'est maintenant. Combien on sont chrétiens d'après sa définition? Mais posons-lui la question directement. Toi, tu es chrétien, alors, d'après ta définition. Alors encore. Donc, en tout cas, tu es quoi? Disciple. Tu veux le secours, tu veux défendre pour toi? Non, je voulais dire quelque chose par rapport à la définition du chrétien. Je veux dire, chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, il a détaillé, tu as seulement un résumé. Sur cette base-là, tu l'es. L'esprit de Christ, oui, je peux dire que je suis chrétien. Mais comment tu peux dire que tu es chrétien? Comment tu peux dire que tu es garçon? Tu dis, je peux dire que tu es un garçon. Est-ce qu'il y a une possibilité que tu ne sois pas garçon? Non. Tu es chrétien ou tu n'es pas? Je suis chrétien. Maintenant, explique-nous comment tu es devenu chrétien. Parce que, en expliquant, ça va nous édifier, on va savoir si oui ou non, on est sur la même langue. Donc, comment es-tu devenu chrétien? Vous savez, quand une femme prépare, ou mange la nourriture à table, je dis, c'est une douleur, c'est qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Parce que quand tu goûtes, tu sens qu'un condiment que tu ne vas pas détecter. Tu dis, comment tu as préparé ceci pour que ce soit bon comme ça? Elle dit, j'ai mis d'abord telle chose, puis telle chose. Si c'est là, alors elle a composé. Et si elle a composé ça pour que ça sorte ici, elle peut t'expliquer comment elle a fait. Si tu es chrétien, tu peux expliquer comment tu es devenu chrétien. C'est simple, n'est-ce pas? Dis-nous comment. Bon, déjà, je peux dire que je suis chrétien. Non, il ne faut pas que tu peux dire. Dis ça directement. Dis. La question c'est, tu es chrétien, comment tu es devenu chrétien? Je pose encore à qui d'autre? Bon, je réponds, je parle. Ok. Je suis chrétien parce que. Bon, la Bible est définie, la Bible dit. Non, c'est la Bible qui dit, toi, tu es devenu chrétien, comment? Je suis devenu chrétien en recevant le baptême de repentance. Mm-hmm. En recevant le baptême de repentance et en changeant d'attitude. En changeant d'attitude. Vous voyez que votre visage, ça dira, j'avais sa première définition qu'il a donnée. Tout à l'heure, tu as dit que le chrétien, c'est quelqu'un qui est l'esprit de Christ. Mais là, ta définition, maintenant, tu n'as plus dit, ça n'a même plus rien à voir. Vous allez lire votre Bible, là, vous allez lire votre Bible. Comment tu deviens chrétien? Ananias, peut-être un chrétien. Ananias dans la Bible, chapitre 5. Comment tu penses que Ananias, parce que tu as parlé de changer d'attitude, son attitude, là, il est mort à cause de son attitude. Était-il chrétien d'après ta définition? Non. Ananias n'était pas chrétien. La chose n'était pas encore déconstruite en lui. Donc il n'était pas chrétien à ce niveau-là. Non, il est chrétien, mais la chose n'est pas encore déconstruite. C'est pour ça qu'il dit que dans ce cas, pensons encore bien à la définition du chrétien. Parce que chacun dit je suis chrétien. Il y a d'autres gens qui portent des estampilles. Je suis chrétien, catholique. Je suis catholique orthodoxe. Orthodoxe des sept conciles. De trois conciles. Je suis des vieux catholiques. Luthériens réformés. Église évangélique du Cameroun. Église évangélique luthérienne, ainsi de suite. Pense de Cotis. Réveillé, même quand on est dormi. Autant comme ça. Alors, finalement, parmi tout cela. Si celui-ci dit que le chrétien, c'est chrétien, c'est chrétien, c'est chrétien, c'est chrétien. Tu as vu ce style de chrétien, de colère qui est là dans la Bible. Un frère. Non, frère. Oh. Alors, si celui-ci dit que je suis chrétien catholique, et il n'y a pas chrétien catholique dans la Bible. L'autre dit le chrétien protestant. Il n'y a pas chrétien protestant dans la Bible. Donc, ça veut dire que forcément, il se trompe, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Alors, dans ce cas, il faut qu'on pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? La Bible dit qu'il faut que quelqu'un soit seulement chrétien tout court. Point final, pas vrai? C'est ça qui crée le problème. Comment être un chrétien tout court? Parce que les chrétiens qui sont courts, qui sont pas ce que je viens de dire. C'est pas les chrétiens qui sont courts. Ils sont tout courts, c'est-à-dire que chrétien sans un nom plus chrétien. D'accord? Comment on devient? veux devenir. Je crois qu'il y a un moment qu'on a fait ici. Comment es-tu devenu chrétien? On a fait ça ici, pas vrai? De toute façon, vous me faites bavarder encore pour que ma voix finisse. Autre question. Comme ça, je prends la question, la deuxième question. Je vais relire la question de cette soeur-là. La première question, on avait fait comment savoir si on est appelé. Et nous avons résolu le problème ici. Comment savoir si on est appelé? On avait vu qu'il y avait deux niveaux d'appel. Premier niveau où l'évangile appelle les gens de venir. Et on a vu, lorsque tu vis dans le péché et que tu marches dans différentes choses du monde, on commence à prêcher l'évangile. Comme tu avais dit, tu as prêché l'évangile. Quand il avait dit, il savait qu'il était appelé. Il dit, comment? Puisque ton nom n'est pas écrit dans la Bible. Et même si tu t'appelles Lucas, et tu dis Lucas, ça veut dire Luc. C'est Luc qui parlait là, était un individu. C'est pas le temps d'entrer les questions. Si on t'appelle même Paul, le Paul qui est dans la Bible, il y avait un Paul. Il y a plusieurs Paul. Hein? Si on dit Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, il ne s'agit pas de toi qui es Paul maintenant. Pas vrai? Alors, comment tu sais que Dieu t'a appelé? Malgré que tu n'as pas entendu une voix. J'ai expliqué que si il appelle, il a mis la résonance en toi. Et nous avons lu plusieurs passages dans la Bible. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis ici. De cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et nous avons vu que le Seigneur veut par là dire qu'il va mettre les dispositions et les prédispositions pour que cette personne puisse recevoir de lui. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous vivez mal quand on prêche. Vous vous sentez index, ça veut dire que ça m'a touché le cœur. C'est pas vous qui faites que ça touche votre cœur. Parce que c'est la même parole, quand tu prêches, quelqu'un est à côté, il dit qu'il raconte les balivelles. Donc, ce qui te fait mal, tu dis, il faut que je change d'attitude. Quelqu'un dit que, donc, il te bêtise, là, j'ai pas. Donc, comment ça a le fait sur toi? Ça n'a pas le fait sur lui. Il y a une seule différence. Mais voici, j'ai mon portable. Vous vous asseyez à côté de moi. Je suis connecté à. J'ai une puce d'un certain opérateur économique. Vous avez le téléphone à côté de moi avec la même opérateur économique. Une autre personne a un autre téléphone avec le même opérateur économique. J'ai la propriété dans ce téléphone-ci pour capter le réseau. On appelle ça les boutons du réseau qui captent le réseau. Si ton téléphone n'a pas ça, et la puce électronique, n'importe quoi, téléphone sophistiqué, tu ne peux pas recevoir ni émettre d'appel. Nous sommes d'accord. Ok, maintenant. Le fait que tu puisses émettre d'appel, c'est à cause du fait qu'il y a une propriété dans ce téléphone-ci qui est connecté, et malgré que nous ne voyons pas le courant, qui est connecté à un signal, une antenne qui envoie les ondes, et que ton téléphone doit devoir avoir ça intégré dedans, pour échanger les informations et les messages, n'est-ce pas? L'antenne qui se trouve en haut là-bas, si ici, lorsque le Saint-Esprit envoie sa parole et reçoit des choses, s'il n'y a pas quelque chose ici, cette chose que je ne l'appelle dans ce téléphone ici, ici à l'intérieur, c'est que tu as un téléphone qui n'a pas de réseau. Autrement, Dieu parle de peu comme ça. C'est pour ça qu'on peut parler. Ça nous dit absolument. Parce que l'onde passe sur le téléphone, ce qui n'a pas de réseau, ça passe à travers l'autre téléphone, c'est câble. C'est pour ça que deux téléphones peuvent être quelque part. L'autre reçoit l'appel, l'autre ne reçoit pas parce qu'il y a un problème de onde ici. C'est pas que le téléphone a fait quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors l'être humain qui entend la parole de Dieu, ça ne lui fait absolument rien. Quelque chose ne va pas à l'intérieur. Et cette chose-là, ce n'est pas lui qui met. C'est Dieu qui doit avoir mis cela. Alors c'est pour ça que Jésus, notre Seigneur, dit elles entendront. Il a dit mes brebis. Entendre. Donc il y a une propriété en eux pour les faire entendre. C'est ce qu'on nous dit. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Et là, on a vu, on est passé au deuxième niveau de l'appel. Lorsqu'on a, ok, vous venez à la maison, on a prêché l'évangile, nous venons, nous voici nous réunis aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous aviez été dans le monde, vous ne serez pas là en train de parler de la Bible. Alors, comme nous sommes réunis, lorsqu'on vient dans le corps maintenant, il y a le deuxième niveau de l'appel. Ça, c'est le deuxième appel qui consiste à qu'est-ce que je suis censé faire. Et là, ces jours, j'ai pris un exemple dans une maison où il y a plusieurs enfants qui travaillent. Le matin, telle personne, son rôle c'est de laver les assiettes, l'autre c'est de laver le sol, l'autre c'est de balayer les chambres, l'autre c'est d'arranger le lit. Chaque enfant a besoin de sa tâche. C'est ça qui fait que quand le matin quelqu'un se lève, il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc chacun a son rôle dans la maison. Le Seigneur dit ce sont ces brebis qui se sont égarés. Et par conséquent, quand il part chercher ces brebis-là, c'est pour qu'il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il dit Tu es où? Il a dit de lancer l'appel. Quand il entend, il vient à la maison. Il a l'appel au service. Ce qu'il est censé faire à la maison. C'est ça notre question. Et par conséquent, si l'enfant qui lave le sol le matin est égaré dans la nuit d'hier, on le cherche, on ne voit pas le matin, quand il va venir, il y a une personne pour laver les sols. On va chercher quelqu'un pour laver le sol. Donc, en fait, le poste est manquant. Donc, le deuxième niveau d'appel, donc, c'est, et c'est ça cette personne disait. Comment savoir que voici mon poste? Je crois que c'est l'objet des enseignements sur les dons et appels. Les dons et appels qu'on n'a pas encore terminé. D'accord, frère? Amen. Bon, je continue sa deuxième question, je crois que vous allez répondre. À moins que vous avez encore quelqu'un avec des questions ici. Permettez-moi d'aborder sa deuxième question. Donc la première question était, comment peut-on savoir si on est appelé par le Seigneur? La deuxième question concerne le pardon. Dans la Bible, il nous est ordonné de pardonner. C'est la deuxième question. Dans la Bible, il nous est ordonné de pardonner. Lorsque nous n'arrivons pas à pardonner aux autres, même quand nous avons la volonté de pardonner, comment faisons-nous pour leur pardonner? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes souffrent. C'est quelqu'un qui fait quelque chose. Vous voulez pourquoi on aborde ça? Comment on me le reste subitement comme ça? Chacun fait comme ça. On ne répond pas beaucoup. Non, j'ai dit la première question. Peut-être. C'est bon. On n'est pas obligé de suivre les questions par ligne. Je vais lire, vous allez choisir que la troisième, d'accord? En tant qu'enfant de nos parents, pouvons-nous quitter la maison parentale lorsque, par exemple, il y a des conflits à la maison? C'est-à-dire que le papa et maman bagarrent. Je dis, c'est trop dans votre maison, si là. Ou bien peut-être qu'ils ont le conflit avec eux. Ils disent, non, on ne savait pas. Voilà la question. En tant qu'enfant de nos parents, pouvons-nous quitter la maison parentale lorsque, par exemple, il y a des conflits à la maison? Voilà, ce sont les trois questions que je voulais poser. Il y a encore d'autres questions, encore. Troisième question. Bon, il y a encore. Et je voulais savoir si une femme mariée a le droit de travailler. Ok, maintenant, vous m'aimez. Comment vous m'aimez? Comment vous m'aimez pour commencer à rire d'abord? Nous vous aimons. Donc tu me vois déjà comme ça. C'est pour dire que tu t'éloignes de moi, non? Quand il me dit frère, il dit que nous vous aimons, il comprend que c'est pour dire que désormais il veut qu'on ait été respecté. Donc, je voulais savoir si une femme mariée a le droit de travailler. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu la personne elle-même, c'est pas moi. Voilà la question, la personne est libre. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu dans la Bible le cas d'une femme qui travaillait. Vous m'aimez, frère? Oui, j'aime. C'est pourquoi je pose cette question. Mon autre question, c'est par rapport à l'éducation. Est-ce qu'il faut que les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école? Il y a des bonnes questions, ce sont des bonnes questions, pas vrai? Est-ce qu'il faut, donc, par rapport à l'éducation, en réalité, la question, c'est est-ce qu'on ne doit pas mettre les enfants à l'école? Dans le livre de Genèse, il n'y a pas de précision sur l'âge d'Adam et Ève. Donc, je me demande s'il y a une limite d'âge pour se marier. Ma dernière question, c'est par rapport à l'attitude que doit adopter un enfant quand il voit que dans certaines choses, quand il voit que certaines choses ne vont pas entre ses parents. Que doit faire un enfant quand il voit qu'il y a beaucoup de conflits entre ses parents? Je crois que c'est ce qu'il a dit plus loin. Voilà, ce sont mes questions. Que Dieu bénisse cette chère personne. On commence par laquelle? Pardon. Les frères, c'est qu'avec le temps de développer, on n'a pas le temps de finir les autres. On va partir le pardon. Mais ce matin, donc, prions et comptons sur le Seigneur pour répondre à l'accord. Père, nous sommes au devant de toi encore. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci, Père de gloire, pour cette chère personne qui a posé la question. Je prie au Père de gloire pour tous ceux qui avaient cette situation dans leur cœur et dans leur vie, Père, que tu les aides et que tu nous aides maintenant, Père de gloire, à donner la réponse telle que tu auras voulu. Je prie, Père, que tu parles directement à quelqu'un et que tu touches son cœur dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La première chose à faire, c'est que vous devez arriver au niveau où... Arrêtez vos Bibles comme ça, d'abord. Vous devez arriver au niveau où vous devez savoir que s'il y a une question de l'ordre biblique, la réponse doit se retrouver dans la Bible. C'est-à-dire que toute question biblique doit avoir la réponse dans la Bible. Cette personne se pose ces questions, beaucoup de personnes en fait. Il y a des choses que des gens te font au point où tu vas dire que non, jamais, je ne peux pas lui pardonner. Même quand je veux lui pardonner, je ne peux pas oublier. En fait, c'est la personne a raison. Il faut donc, je vais commencer à regarder ces choses pour avancer. Vous savez, lorsque vous filmez, ou bien vous appartenez dans les supermarchés, on dit généralement que magasin sur surveillance. Vous appelez vidéo surveillance. Donc, ça veut dire, vous entrez dans un magasin, nous sommes jeudi, vous entrez dans un magasin, vous allez acheter quelque chose. Et là, subitement, après, il y a un hold-up là-bas, on cherche des gens qui vont faire. On passe d'abord les bandes de l'image des magasins au crime. On regarde les suspects, on regarde. Vous avez vu toutes ces choses, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on vous voit sur l'écran de là-bas, vous n'êtes pas là-bas physiquement. Écoutez-moi très attentivement. Lorsque vous êtes mis à la maison, vous ne savez même pas qu'on a ouvert une enquête contre vous. On regarde et puis on dit cette personne s'est habillée à tel endroit. On regarde si vous avez payé par les cartes bancaires, on regarde à l'heure à laquelle vous avez choqué la carte. On regarde sur l'heure de la caméra. On fait correspondre à l'heure qui est là-bas. On regarde, on détecte votre compte bancaire. À partir de là, on trace. Vous voyez les cartes matérielles et policiers présents devant vous. Bon, ça c'est pour les pays qui se respectent normalement sur le plan technologique. D'accord? Alors, lorsqu'on veut te prendre, on te dit que tu es là-bas. On t'a vu là-bas. Tu dis non, j'ai acheté quelque chose, c'est pas moi qui ai fait cela. Il n'y a pas de problème. C'est un peu comme quelqu'un qui vient vous rire. Il faut que je ne pas la caméra. Il dit ça, c'est quoi ça? Il dit c'est pas que quand plus tu t'appelles la caméra, plus on voit bien ton visage. La caméra capte bien son visage. Après, on dit non, c'est pas moi qui ai fait. Cette personne, si vous n'avez pas besoin de 4 cheveux pour poser toutes les questions, vous mettez un écran là-bas, vous faites passer la bande, vous le regardez seulement. Quand il va voir son image, Roger va vous prêter la tête sur le visage. Or, quand il était avec, il s'est raconté le film, n'est-ce pas? Écoutez-moi, on a très attentivement. Si on met son image, cette cassette-là, bien, le support sur lequel c'est enregistré, le lundi, est-ce qu'on va voir son image? Oui. Qu'est-ce que si elle met ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de voir son image? Il dit, si son image qui est filmée est stockée, si on met lundi, on va voir son image. Oui. Mardi, on va voir. Oui. Mercredi, on va voir. Oui. Donc, si ça fait 4 ans, on peut mettre. Et voilà. Oui. Ok, écoutez maintenant bien. Juste au niveau de la police, c'est une chose au niveau du pardon, tout autour du pardon. Le fait qu'on ait enregistré ton image, là, dans le support, tant que le support n'est pas gâté, si on met chaque fois, on va toujours voir. L'œil est exactement comme la caméra, et la pensée et le cœur sont exactement comme le disque dur de stockage. Comme tu as vu, tu as vu. C'est pour ça que les couches de nuit avec les femmes vous dérangent. Quand tu as besoin, tu veux. Hey, je suis chrétien. Tu l'es parti avec. Tu es déjà parti avec. Tu restes comme ça là. Tu lis la Bible comme ça, puis tu plonges, tu vois. La même image revient. C'est pas que ça revient. Il y a ton voisin qui dit l'image ne revient pas. Parce que quand tu as vu, c'est parti. Parce que quand tu as vu là-bas, c'est parti. C'est que tu vois là, c'est ce qui est entré. Est-ce que tu as lu et que l'image là est là? Est-ce que quelqu'un peut comme même assez encore? Non. Alors, où est-ce que ça vient pour s'imprégner sur ta rétine? C'est ce qui est là. Donc, chaque fois que ça revient, c'est exactement comme il t'a dit que tu joues la même image le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est toujours là. Vous comprenez cela? Hein? Les petits cachetés que vous faisiez quand vous étiez enfant, les jeunes enfants, vous dites que je suis papa, je suis maman là. Donc, lorsqu'il vient de parler là, à l'instant, il vient de parler là, c'est compris. Chacun se souvient de sa part pour la première fois. Pas vrai? Mm-hmm. Mais peut-être le jeune n'est pas devant vous. Je fais ça, vous avez fait quoi? C'est vraiment dire que quoi? Vous allez dans un dossier, vous cherchez les CD, vous mettez ça à jour. Donc, c'est là, c'est stocké. Quand vous avez dit que tu as le compte là chicoté, quand il parle comme ça à l'instant, il met chicoté, ça revient pas vrai? Tu es sûr, on avait touché comme ça. Il a joué de ces mètres là, après, il dit qu'est-ce que le mec là? Pas vrai, frère? Est-ce que le mec est présent? Alors, chaque fois quand quelqu'un va vous faire quelque chose, c'est stocké. C'est là que je vais vous expliquer la différence entre l'attribut de Dieu que Dieu a et l'attribut que nous avons. Lorsque quelqu'un t'a fait n'importe quoi, t'a dit de mauvaises choses, si par exemple tu veux dire que pardonne-moi, tu dis oui, je te pardonne, même si tu arrives à pardonner. Mais chaque fois quand tu vas le voir, tu vas tout te rappeler de ce qu'il avait dit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même si quelqu'un, si le frère s'il vole ma Bible, après il dit, hey, frère, qu'est-ce que tu as fait comme ça, il demande pardon. Chaque fois qu'il vient le voir, il dit, ah, un temps souvent, il dit, c'est le frère, tu ne trouves pas le frère qui va voler ma Bible là. Malgré que ce problème est résolu. Parce qu'en réalité, le souvenir est toujours là. Vous suivez? La Bible dit donc dans le livre des Hébreux, sous les autres, Hébreux chapitre 5, 8 et 9, parlant du sacrifice qu'on offrait dans le temple. En nous voulant expliquer la différence entre le sacrifice là et notre sacrifice maintenant que le Seigneur Jésus a fait. Il est tout souvent sacrificateur présent, entre dans le temple une seule fois et dans le lieu très saint une seule fois par an, non sans amener les sacrifices pour ses propres péchés parce qu'il est assujetti comme étant être humain de tous les autres péchés que les autres peuvent commettre. Et la Bible déclare que le souvenir des péchés est renouvelé par le sacrifice de la main. Donc, nous sommes le 1er mars par exemple, j'ai amené le sacrifice. L'année prochaine, quand il est venu, je me souviens que j'avais péché l'année dernière parce que tu sais effectivement que tu es un pécheur. Le souvenir là, tu ne peux pas te quitter. Vous voyez ça? Amen. Michée chapitre 7. Michée. Livre du prophète Michée. Donc la question qu'on va répondre, comment pardonner et pardonner effectivement, même quand c'est difficile. D'abord, il faut qu'on comprenne que c'est un commandement que Dieu nous a donné de pardonner. C'est un commandement. Dieu nous a donné par lui. Je suis désolé de vous avoir donné plutôt un passage qui est difficile de trouver, pas vrai? Débrouillez-vous, vous allez trouver quand même une mission. Le père s'est cherché vers Genèse, ça n'a pas donné. Il allait vers le Nouveau Testament, il descend doucement, nous allons comme ça. Ça ne nous donne pas toujours. Après, il va dire conclusion, il va dire il est important qu'on lise. Nous aurons une issue. En tout cas, sa mère, lui, peut-être, c'est de vous dire que je suis sûr que vous avez une belle zone. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Vous êtes à Miché déjà? Déjà. Miché. Ouvrez au chapitre 7. Dans ce dernier chapitre, Miché, là. Et moi aussi dans l'ouvrir. Mon Dieu, mon roi. Miché, chapitre 7. Il vient le verset 19. Je vais lire le verset 18 d'abord, d'accord? Je vais lire le verset 18 et 19. Si vous allez répondre. Nous voulons comme ça répondre à la question de cette personne qui nous a posé, d'accord? Écoutez. Quel Dieu est semblable à toi? Qui, un, qui pardonne l'iniquité? Je ne sais pas s'il parle avec tous les gens ici. Là. Nous sommes en interaction. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Deux, qui oublie le péché? Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, Dieu seul a l'attribut de pardonner et d'oublier. L'être humain n'en a pas. L'être humain a l'attribut, a la capacité de pardonner. Donc, on va toucher le cas, le fait que cette femme-ci ou cette personne-ci allait nous poser la question sur lui. Ça veut dire que quelqu'un vous a fait des choses qui vous a touché votre être ou plus c'est difficile de pardonner. C'est-à-dire, la Bible nous ordonne de pardonner. Comment, même si on ne peut pas pardonner, comment faire pour vraiment pardonner? Il faut qu'on réponde à cette question-là. D'accord? Et là, on avance, là, il faut qu'on voit les cas dans la Bible, peut-être Dieu nous va nous y conduire, pour qu'on voit que certaines personnes de la Bible ont eu ces mêmes choses-là. D'accord? Comment en sont-ils sortis? Parce que nous ne sommes pas nous sommes des prototypes même des gens qui sont venus. Nous ne sommes pas les premières personnes sur la terre. Les gens ont vécu sur la terre avant nous. Et les conflits humains sont des conflits humains. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous vous. D'accord. Alors, la Bible nous explique dans ce livre de Michel, chapitre 7, verset 18, que quel Dieu est semblable à toi. Donc, il n'y a pas de Dieu, mais de Dieu, de tout puissant, qui peut en même temps pardonner les iniquités et oublier le péché. Frère, ceci devait vous faire vous coucher chaque fois pour dire merci au Seigneur. Je vous le dis en comprenant ceci. Parce que la Bible déclare que s'il gardait le souvenir de notre péché, qui serait sauvé? Alors maintenant, voici ce que l'homme est. C'est frère, si. Tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, j'ai pris l'exemple. Tu ne voles pas, n'est-ce pas, frère? Non, c'est pas ça. Je n'en ai pas un exemple. Il vole ma Bible. Ça, c'est un cas qui est des conflits qu'il a eu avec moi. Deux, un de ces jours, ils volent ma chaussure. Un autre jour, ils volent mon ordinateur. Un autre jour, ils volent ma voiture. Or, la première fois qu'elle a pris ma Bible, elle avait volé ma Bible, il m'a dit, pardonne-moi. J'ai dit quoi? J'étais pardonne. La deuxième fois, ils volent ma chaussure. Il dit, pardonne-moi. J'ai dit quoi? J'étais pardonne. L'autre jour, ils volent maintenant ma voiture. Il dit que cette fois-ci, tu as dépassé les limites. Alors, dis à ton voisin, quelle est la limite du pardon? Vous comprenez ce n'est pas? Alors, lorsqu'il dit, tu as dépassé la limite, écoutez bien, il y a une conséquence de ce que j'ai dit, tu as dépassé les limites. Je vais expliquer le pourquoi il a dépassé les limites. On va commencer à dire, la première fois, tu as volé ma Bible, j'ai pas. La deuxième fois, tu as volé ma chaussure, j'ai pas. Cette fois-ci, tu as exagéré. Ça montre que le pardon n'était pas effectif dans les deux premiers cas. Parce que le souvenir, là, il amène encore la chose. Parce que, je veux que vous cessez la différence entre nous et Dieu. C'est que, si c'est le Seigneur Dieu à qui on fait ces choses comme nous faisons chaque fois, le jour où tu as dit, oh Seigneur, souvenez-vous de cela, c'est l'une des choses qu'il faut enseigner aux chrétiens aujourd'hui, l'acceptance du pardon de Dieu. Lorsque quelqu'un a la difficulté pour pardonner, c'est parce qu'il ne croit pas lui-même au pardon effectif du Seigneur. C'est l'une des conséquences. C'est-à-dire que, écoutez très attentivement, si je viens vite, vous me dites que je me calme, d'accord, parce que ce sont les sujets importants de la vie chrétienne ici. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14, 15, 16, 17, il explique que, il dit dans sa prière qu'on lui a demandé d'enseigner, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc le pardon est divin et humain. Le pardon est au niveau divin et au niveau humain. Donc c'est un attribut des hommes et des dieux. D'accord? Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible où l'homme est censé oublier. Parce que ce n'est pas la propriété. L'homme n'a pas cette propriété là. C'est pour cela que donc on peut faire quelque chose, on demande pardon et plus tard on y revient. Parce que dans notre mémoire, c'est trop. C'est pour ça que je l'ai dit maintenant que, comprenant ce qu'il va expliquer en même temps, on doit s'en coucher devant le Seigneur. Ok. Prenons ce même exemple, ce qu'il va expliquer en disant que tu as débordé les limites. Mettons Dieu dans cette position. Tu voles telle chose de Dieu, la Bible de Dieu. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, il dit, je te pardonne. Tu voles sa chaussure, il dit, oh. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il dit, je te pardonne. Tu voles son ordinateur, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, il dit, je te pardonne. Tu voles son poulet, et oh, je te pardonne. Tu voles sa maison, et oh, je te pardonne. Tu vas voler chaque fois, il va te pardonner. À jamais, Dieu ne te dira pas que, mais la dernière fois, tu avais volé la Bible. La dernière fois, tu avais volé, parce que comme il a pardonné, il a oublié. Donc, pour Dieu, tu n'as jamais fait ça. C'est ça le vrai problème. Ça va être compliqué dans votre esprit, parce que pour nous, c'est compliqué d'oublier. Comment Dieu fait? Enfin, sur le verset 19 qui dit, les hommes continuent, quoi que je me fais vite fait là. D'accord? Je commence verset 18 pour aller au verset 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Écoutez, regardez bien là où Dieu met les péchés. C'est inimitable. Je suis content, frère, je suis content d'avoir un grand Dieu comme ça. Si tu n'es pas content, c'est votre problème. Je suis content d'avoir un grand Dieu comme ça. Ah, non, non, tu as dû m'imiter là. Si tu es content, je suis en blanc, là, tu es en blanc, blanc. Je suis content, tu es content comme moi. Et d'ailleurs aussi, il dit, regardez, il aura encore compassion de nous. Donc, il parle de moi là-dedans. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Parlez de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est allé devant le trône avec son sang. C'est pourquoi le Seigneur jusqu'à aller devant son trône avec son sang. Le sang d'intercession. C'était un signe que, ok, sur la terre, la sœur se commet un péché, c'est comme ça. Le Saint-Esprit dit dans ton cœur, quand vous commencez, quand vous êtes chrétien, de la bonne façon, quand vous faites quelque chose, même quand vous répondez mal à quelqu'un, la seconde après, la personne part, tu es en conflit avec Dieu. La seconde d'après, il dit bien, la seconde d'après. Dès que tu finis, quand tu tournes comme ça, tu es en conflit avec Dieu. Et ton Dieu n'est pas tellement éloigné, il est tellement proche, où il est devenu petit à l'intérieur de toi, il te combat à l'intérieur. Tu n'es pas tranquille. Parce que tu cherches un corps pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que si tu entends comment ton cœur c'est calme. Alors, regardez très attentivement. Cette chose c'est comme un problème sur la terre. À cet instant-là, dans le spirituel, Satan dit que, oh, je vais quitter aujourd'hui. Il prend son dossier. Que coupable, Madame Gando, coupable, il court comme ça. Yeah. Il quand, monsieur le Seigneur, il dit oui, c'est quoi? On sait derrière qui il est. Il dit, tu étais où? Il me promène sur la terre. J'ai vu une telle fille qui dit, t'as piqué Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Écoutez bien. Dieu étant omnipotent, étant dans son corps, étant encore au ciel, pendant qu'elle est parlé, il dit que, tu fais me demander pardon, ce que tu as fait n'est pas bien. Ou voilà, quel Dieu nous a pas servi. Alors, cette sœur dit, ah, tu sais, elle laisse ce qu'elle a fait, c'est bien à genoux. Et au Père, daigne-moi pardonner. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Satan dit, voilà, c'est aussi. Souvenez-vous, le sang de Jésus-Christ transforme tout l'univers. Et c'est tout le dossier. Le péché entre temps maintenant, Dieu a pris, il a mis au feu. On a dit, sous ses pieds se cache. Il dit, ok, ouvre le dossier de notre ma fille dont tu parles. Et le concerne, le dossier est plutôt rouge partout, frère. Et donc, le dossier qui avait les accusations, c'est rouge partout. Il dit, ne parle pas à lui. Il dit, cherche, Dieu lui dit, cherche un de ses péchés. Il cherche. Il dit, attends, il descend encore sur la téléphone. Il va comme ça chaque fois. Il dit, aucun enfant de Dieu ne tomberait dans ses filets. Aucun enfant de Dieu ne tomberait dans ses filets. C'est pour cela qu'en enfer, il va se retrouver seul avec son peuple. Par un de nos frères. Où est-ce là? Parce que Dieu, il met le péché sous ses pieds. Parce que s'il ne mettait pas sous ses pieds, quelqu'un pourrait le prendre pour produire ça. Comment c'est ça? Voici les preuves. Donc, les preuves de ta culpabilité se trouvent du côté de Dieu. Un peu comme dans la justice, vous voyez effectivement, il y a un dossier, quelqu'un veut voir quelqu'un, au moins ici, il y a la corruption. Elle aussi, où tu sais que tu es condamné. Il dit, comment il veut faire? Quelqu'un dit, mon ami, la seule solution, c'est de soutirer le dossier là. Je connais quelqu'un qui connaît là où il y a le dossier. Il soutire. Si la personne qui doit condamner, c'est le juge, et qui vient, il prend sur ton dossier, il prend, il met s'asseoir, il s'assoit. Tes enquêteurs sont là-bas dans la barre. On dit, vous reprochez même quoi à telle personne, c'est lui. Il dit, où est son dossier? Frère, vous allez trouver. La personne est acquise. Quelqu'un dit que je suis non coupable. Non coupable. Parce que le péché, c'est qu'on va dire, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu feras, quoi, tu jetteras au fond de la mer certains de leurs péchés. Tous leurs péchés. Quoi, frère? Tous leurs péchés. Au fond de la mer. Quelle mer, frère? La main de l'oubli. Voilà où ça se trouve. Vous avez vu cela? Parce qu'en haut, on a dit en haut que, quand on dit la main de l'oubli, c'est ici, regardez bien. On a dit en haut que l'iniquité, ici en bas, on dit l'iniquité se trouve sous ses pieds. Le péché se trouve, parce qu'on a parlé de pardonner l'iniquité, oublier le péché. Il pardonne l'iniquité, il oublie le péché. Il dit que les iniquités, comment on les pardonne? Il met ça sous ses pieds. Il dit que c'est terminé. Toi, une iniquité qui rendait ma vie, la vie de ma fille unique, qui te marche dessus. Vous voyez cela? Puis maintenant, il dit que pour le péché, il le jette au fond de la mer. On a dit que la mer, elle s'appelle comment? L'oubli. C'est la Bible qui dit ça, frère. Donc, si tu es dans la mer, si les gens devaient nager, le même poisson pouvait ramener ça. Dieu merci que cette mer-là n'est pas accessible à l'être humain, ni même à Satan. C'est qu'on est fini ici dehors. Donc, la mer, le fond de la mer de l'oubli, Dieu se a accès. Vous voyez ça, frère? C'est Amen. Le seul marin qui nage jusqu'à là-bas. Satan entre là-bas, il va se noyer. Amen. Alors, le problème maintenant, c'est beaucoup de personnes ne parviennent pas à appréhender le pardon que Dieu nous a accordé par Christ Jésus. Colossiens. Donc, suivez attentivement. Toute personne qui a du mal à pardonner a du mal à recevoir le pardon de Dieu. C'est une conséquence directe. C'est-à-dire, lorsque cette personne se commet une faute, il peut prier pour la même faute, même 100 fois. Parce qu'il veut sentir que Dieu lui a accordé le pardon. Dieu n'a pas dit, tu vas sentir dans ton cœur que je t'ai pardonné. Il a dit, 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous faisons menteurs. Si nous confessons, parce que la Bible a dit, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce qui est que frère, alors ça veut dire que ce qui est pour nous, c'est de faire quoi? Confesser. Le reste, c'est pour lui. Donc, comme cette scène, comme l'exemple de la scène dont je parle, quand Satan se tourne comme ça, quand il dit, oh Seigneur, donne-moi pardonner, c'est terminé. Dieu n'a pas dit, tu vas avoir les chaînes de peau. Tu dis, oh, Dieu, oh, ça fait mal dans mon cœur. Tu ne connais pas toi, c'est que j'ai traversé. Tu peux pleurer. C'est pour ça que Dieu a tout fait pour mettre quelque chose dans notre corps, que si ça sort autant que ça possible, ça ne va pas nous gêner. C'est les larmes. Si ton sang sort, maximum, elle, là, tu vas commencer à faire comme ça. Prends comme tu veux. Remplis la maison, la maison, ça ne changera rien. Tu n'auras pas de vertige. Tu vois le monde, tes cas, ça s'est calmé, les larmes sont toujours là. Ouvrez vos yeux, envoyez les bains là. Vous ne verrez nulle part où les larmes se trouvent. Commencez à pleurer, ça va venir. Donc, Dieu a mis à mon âge l'âme là. Si tu veux pleurer, pleure. Alors, le pardon ne s'obtient pas par les pleurs. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Le pardon s'obtient sur la base de la confession selon qu'il a dit. On doit s'y reposer. Suivez ça, frère. Il dit quel livre tout à l'heure? Colossiens chapitre 3. Permettez-moi de trouver. Vous avez vu effectivement comment Dieu a dit ici qu'il va jeter le péché de l'homme, n'est-ce pas, frère? Donc, vous devez aimer ces dieux-là et le servir. Parce qu'en réalité, si vous dites à quelqu'un, là, si tu as dépassé les limites, je ne peux plus te pardonner sur ce banc-ci parce que tu as tellement exagéré. Sache à partir de cet instant-là, Dieu nous dit, va commencer à te dire, toi-même, tu exagères. Et quand lui, une fois, nous avons lu Matthieu chapitre 18, c'est verset 18 jusqu'à verset 37, où le Seigneur et l'apôtre Pierre demandaient au Seigneur que combien de fois devais-je pardonner à mon frère? C'est cette fois. Il a dit que cette fois, dans la journée, si ton frère pêche contre toi, il vient, il te demande pardon, tu dois le pardonner. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, le pardon et l'amour lient au moins deux personnes. Le pardon et l'amour impliquent au moins une ou deux personnes. Le pardon et l'amour concernent au moins une ou deux personnes. Donc le pardon et l'amour est un problème entre deux, au moins deux personnes. Ça veut dire que c'est dit, frère, pardonne-moi. Tu dis, je ne te pardonne pas. La balle est dans son camp. Vous avez vu ça? La Bible déclare aux chrétiens que vivez en paix avec tous autant que ça dépend de vous. Donc, tant que ça dépend de toi, sois en paix avec quelqu'un. Mais c'est pour dire quoi? Vous montez le sang, tout le monde n'accepte pas d'être en paix avec vous. Comme les gens sont en train de bagarrer dans le Cameroun, là, sur le président d'ici que désormais, donner 3 milliards à chacun. On va dire que c'est sûr que le père, là, on a demandé les gens. Son argent n'est pas simple, pas vrai, frère? L'autre va dire que je ne prends pas ce qu'il fait, il attendait 30 ans pour donner maintenant. L'autre va dire que s'il veut vendre quelqu'un, s'il veut le vendre pas, moi je prends. C'est mon argent, l'argent de la sueur. Même si tu vas mourir, je mange avant de mourir. Donc il y aura des habits partagés. Alors ça veut dire que si je suis en paix avec toi, je ne suis pas en paix avec moi, c'est toi qui as le problème maintenant avec Dieu. Dieu va te demander le compte, pourquoi tu ne fais pas la paix avec ton frère? Dis à ton voisin, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Si tu es enfant de Dieu, tu dois pardonner. Si tu es enfant de Dieu, tu dois pardonner. Et il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne porte pas ses attributs. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne porte pas ses attributs. Si quelqu'un ne parle pas, touche son nez comme ça, touche son âme, touche son nez, c'est ton frère. Parce qu'on a dit que vous avez tout en commun, non? Touche son nez. Dis, tu dois pardonner. Mon doigt, quelqu'un dit, tu dois pardonner. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, comme tu as les bénédictions dans la Bible, dis comme tu aimes les bénédictions dans la Bible. Comme tu aimes les bénédictions dans la Bible. Que l'Éternel est mon berger. Je manquerai de rien. Oh Seigneur, donne-moi quelque chose. Ce Seigneur a dit. Avant de dire ça. Tu dois pardonner. Donc il dit, lorsque vous faisons votre prière, si vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc si Dieu fait un tu dis, donc Dieu dit, je préfère, je te pardonne quoi. Le Seigneur est mon béni, il manquerait de rien. Donc, ceci est prioritaire. Alors, le chrétien est conditionné donc par deux bases, le pardon et l'amour. Et tu ne peux pas aimer sans avoir le pardon dans le cœur. Et si tu pardonnes, tu auras l'expression de l'amour. Parce que c'est lié. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a pardonnés. C'est parce qu'il a aimé. D'accord? Quand il a aimé, il a donné la preuve. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et remarquez bien, ils ont beaucoup connaissé. Colossiens au chapitre 3, permettez-moi de trouver. Avançons jusqu'à ce qu'on réponde à la question de cette sœur-ci correctement. Chapitre 3, regardez le verset 12. Regardez. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de misérie. Donc, on doit avoir ça dans nos entrailles. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la première condition c'est quoi? Pardonnez-vous. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, donc il peut avoir le sujet de plainte en milieu chrétien. Il n'a pas dit, allez dans votre droit, justifiez-vous, allez pardonner. Donc s'il y a un problème qui se soutient d'abord, tu dis, hey, mon frère, pardonne-moi, je ne savais pas que je t'avais aidé. Frère, ces choses, cette petite chose-ci, c'est suffisant pour régler beaucoup de problèmes dans le monde. Beaucoup de problèmes. Vous voyez un territoire avec l'autre, les conflits qui naissent. On se rend dépense de milliards. On fait que les enfants de personnes partent. On dit quel est le problème? On dit qu'il a traversé la frontière. Ils ont jeté une missile, c'est tombé ici sur notre frontière. Ils ont traversé notre ligne. Ils ont violé les eaux territoriales internationales. L'autre dit que ça fait quoi? Celui qui est fautif dit ça fait quoi? On attend seulement qu'on dit que nous attendons de leur président une excuse. Donc l'autre attend seulement que vient à la télévision dit excusez-nous du fait qu'on a fait en faisant l'entraînement, c'est tombé dans les eaux. Il dit que je ne fais pas. Et là, il fait un parallèle, il ne fait pas. Il dit que généraux, quelles sont les stratégies des guerres faites? Vous voyez, il suffit de dire pardonnez-moi. Le monde se vaut dans ces choses parce qu'en réalité, le monde est conditionné par le Dieu de la haine. Il ne connaît pas le pardon. Donc les attributs, ces attributs se trouvent dans ses enfants. Alors, dire pardon, c'est un problème. Quelqu'un dit que oui, moi si demandé pardon à Jésus. Non. L'orgueil. On a dit que revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, d'humilité, de douceur et de patience. Et si quelqu'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous l'esprit comment. Donc, le contraire de l'orgueil. Je vais nous montrer que moi je me chauffe. Le monde, c'est le contraire du chrétien. Vous voyez cela? Il y a des gens qui disent que, oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit le monde, Il te voit, il reste derrière, tu vois, tu as le grand qui est comme ça, il te voit comment tu es mou. Yeah. J'aime même un homme. J'aime même. Yeah, yeah. Achète, donne-moi ton problème là. C'est-à-dire qu'il veut acheter ton problème pour arriver là-dedans, pour lui montrer que moi, il s'échauffe. Quand tu vas montrer que moi, il s'échauffe, vous avez une chose en commun. Le souffle qui est en toi, si Dieu enlève, tu vas te coucher dans la terre comme lui. Donc ton muscle soit n'importe comment, tu sois en fer. L'asticot qui n'a pas d'os va te bouffer. L'asticot qui n'a pas d'os va te bouffer. Les termites qu'on ne voit même pas vont te bouffer. Donc ça, définitivement, ça ne sert à rien de se battre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez les femmes qui disent, oh je suis belle. Et comme le monsieur qui se couche à la mort là, celui qui, c'est le grand mort, c'est là qui est là, les morts là, il dit, tu dis, hey, qui est là, sa barbe? Il t'attend là-bas. Il t'attend. Si vous voulez mettre le caméra caché, tu vois comment il va chiffrer le caméra, donc je suis allé qui ici, là, il y a Dieu te voici, il te souhaite, il t'a posé, bam, tu seras pour parler. Alors, ça ne sert à rien de faire toutes ces choses-ci. L'humilité, bonté, miséricorde, patience, douceur. C'est ce que la Bible nous a dit là. Or, ils sont dit aux chrétiens, parce que le monde ne peut pas avoir cela. Nous avons l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu porte ici. Vous dites, le fruit de l'Esprit, c'est ceci. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand nous les avons en nous maintenant, comment nous dit un chrétien a des problèmes avec l'autre chrétien, tu dis, frère, pardon ton frère, il exagère. Il faut que lui montre cette fois-ci que moi je me chauffe. Je vais lui montrer mon côté animal. Côté animal d'un chrétien, frère. Un chrétien a un côté animal, frère. Un frère. Non. Mais la Bible déclare que toute animosité disparaît du milieu de vous, non? Amen. Comment il a encore le côté animal qui a conservé? Donc ce sont ces choses-là qu'on a évité dans le monde qui nous fait ces choses-ci. Un juge dans le volet, vous connaissez, vous sortez de ESG, vous descendez la colline. Vous remontez un peu la pente de PKV au marché avant de venir. Juste dans le volet. Il y avait l'embouteillage, après ça s'est dégagé. Donc j'accélère, vous, tout le monde à ce moment-là accélère. Subitement, on a freiné en série. Là, il fallait avoir un frein sûr. J'ai freiné subitement que. Enfin, parce que j'ai vu que la personne, parce que quand il conduit, j'ai regardé toujours deux voitures après moi. Deux voitures. Donc regarde la réaction de, pas la réaction de celui-ci seulement. La réaction de celui qui est devant. C'est avant celui-ci. C'est pour ça qu'il conduit toujours comme ça. Il voit la réaction. Et par contre, quand comme il agit, celui-ci agit, il peut agir. Alors j'ai vu celui-là freiner directement. Celui freiné, j'ai freiné parce que celui-ci devait freiner. Alors ceux qui ont freiné, j'attendais, boum! Boum là, tout le monde, tout nous, nous tous qui avons sorti, qui avons freiné, chacun est sorti de sa voiture, pour savoir où tout venait. Quand celui-là avait, quand celui qui était devant est sorti, il a guetté devant et derrière, il a voulu, boum, ce n'est pas lui, il a dans sa voiture, il dit que ça le concerne, il est avancé, il sort, je rentre, celui qui était loin derrière est sorti, tout le monde est sorti. Alors il raconte que c'est, il y avait une moto, qui est à côté de moi, lui quand il était très proche, lui il a voulu esquiver le groupe. Le fait qu'il a cogné, son guidon a cogné, ça a cassé le pot de fois derrière. Quand vous cognez par derrière, vous montez, vous descendez, vous êtes d'abord fautif parce qu'il y a une distance, un périmètre de sécurité, normalement vous devez rouler. Alors quand il est sorti, tout le monde, on est resté là-bas deux. Ceux de derrière qui croient que tout le monde sont venus passer parti, ceux étaient debout. Lui était debout, il tremblait. Lui il s'était blessé. On est parce qu'il avait arrêté le guidon. Le choc était rapide au point de s'être blessé. Il dit, ah, c'est quoi? J'ai pris le truc et essuyé son doigt. Il s'attendait à ce qu'il dit. Donne l'argent pour aller acheter le pot de phare de ma Mercedes. Je lui dis, fermez d'aller. Et son guidon était tordu. Il dit, allez vous soigner. Il est calé du bois. C'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Je lui aurais donné que pas se soigner. Il était surpris du fait qu'il soit fait. Parce qu'il sait effectivement qu'il faut dire, là, vous avez dit, mais grand frère, je n'ai pas vu le choc, je n'ai pas vu le. Mais le visage de la personne, il ne connaît même pas quel est le visage. Parce que quand tu fais le bien à quelqu'un, il ne veut même pas regarder quel est ton visage pour que plus tard tu ne veux pas me dire. Donc, lui, quand il lui dit, prends ta voiture, il croit peut-être que c'est le piège que ça veut lui faire. Mais je suis parti, j'ai assumé là, les conséquences. Maintenant, prenons un exemple. Il vous dit quelque chose. Si tu sèmes quelque chose, tu vas moissonner. Si vous réclamez votre droit quelque part parce que vous pensez que vous avez juste, vous pouvez avoir raison. Mais souvenez-vous qu'un de ces jours, vous serez fautif quelque part et vous devez devoir réparer. Comme on m'a cogné derrière, on cogne partout dans ma vie, on consomme, je suis quelque part, sur la connexion dans le montage. Une moto qui porte quelqu'un derrière, il porte le bleu, ça. Il passe là, boum, il cogne, boum, ça va jusqu'à la vous appelez les rétroviseurs vont comme ça, après ça rentre, ça fait pas long. Je les observe, il part, il se tourne derrière, il regarde, je les observe, il part. Vous tournez, il arrive là, vous, bam, la voiture l'a commis. La même personne l'a demandé. Sans qu'on ait fait des prières, la voiture l'a connu. Il dit, observez ce qui se passe. Alors, un de ces juges a fait tuer quelqu'un ici, devant votre entrée. Je roulais là, à l'entrée à Pariso. Je sortais de la prière du côté de ma tête. Je roulais à 120. On était là. Moi, j'ai commencé à chanter les cantiques. Il y avait un camion qui était garé à ma droite de leur entrée. Je sais qu'il y a une entrée là-bas. Je sais que quelqu'un peut sortir. Dans la nuit, je fais le jeu de phare d'abord. Pour que si quelqu'un devienne, vous savez que la voiture est devenue, fait le jeu de phare. Il n'y a pas de réponse. Donc, c'est toujours dans l'essai. Donc, il n'y a personne. Je suis à 120. Il y a un camion qui bat cette entrée-là. Donc, il garde toujours avant l'entrée. Donc, quand il vient, je ne vois pas nécessairement l'entrée. J'ai fait cac, cac. Il n'y a pas de réaction. Cac, cac. Il n'y a pas de réaction. Il fait pim, pim. Parce que j'arrive pas à vérifier. Tu viens pim, parce que j'arrive pas à vérifier. Comment? J'arrive dès qu'il aborde le camion. Parce qu'un gougnafier qui sort du quartier de la montée, il est assis loin derrière. Il fait comme ça, en route comme ça. Donc, il croit qu'il est chez lui. Je suis à 120 km/h. J'ai moins de 2 mètres pour réagir. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. J'ai freiné une fois. La deuxième fois, la voiture s'est arrêtée devant lui. Quand la voiture s'est freinée devant lui, ça a fait crrrr. Tout ce qui était là-bas, sachez que ça veut que. Enfin, bon, j'avais une main au niveau de la vitre. J'étais comme ça. J'ai freiné comme ça, sans bouger. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Parce que normalement, quand tu vois une réaction, soit tu vas essayer d'esquiver. Mais j'ai freiné comme ça, tout droit, deux fois. La voiture s'est arrêtée, il est sur l'espace de 2 mètres. Et c'est là que j'ai vu sa réaction, il me plaît. Parce qu'il a fait comme s'il venait s'élever. Il a pissé sur lui. Il a pissé, subitement, il a pissé sur lui. Et ce moment, quand quelqu'un dit que mon ami, on t'a vendu au village. J'ai fait comme ça, je suis parti, je le laissé là-bas. Je ne sais pas qui il est venu, comment ça. Je suis sorti, je ne peux pas aller. Je continue à chanter mon cantique, je suis parti. C'est quand je suis loin du côté de Total qui me demande qu'est-ce qui s'est passé là-bas derrière. Si je passe mon temps à dire en justice, et celui-ci en justice, voici quelque chose qui peut m'arriver aussi que je pars en justice pour être jugé par quelqu'un d'autre. Donc, la Bible déclare donc que supporter plutôt quelques injustes, acceptez qu'on fait quelque chose parce que le Dieu juste va vous délivrer d'autres choses. D'accord? Alors, des situations peuvent nous arriver donc qui vont nous pousser à ne pas pardonner. Les gens peuvent faire n'importe quoi qui peut nous pousser à ne pas pardonner. Tu laisses ça, oh, tu laisses ça. Il dit ma vie, on casse chaque fois. Quelqu'un casse, tu dis, ouais, tu t'es fait mal. Et lui, il est surpris parce que c'est lui qui doit là-bas, il doit le payer. On casse chaque fois. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui connaît quelque chose. Ou ouais, n'importe quoi sur la voiture, c'est eux qui courent. Tu restes, soit égal à la voiture, soit quelque part comme ça. Quelqu'un passe avec le, vous savez, une pointe. Il passe sur la voiture, il met sur la voiture, il garde la peinture en avançant. Tu le regardes comme ça, dit, qui a envoyé celui-ci? Quel est son problème? Il te regarde, je le regarde, il partit. Allez en bas, vous regardez la voiture, vous allez voir qu'elle a tracé. Il trace. D'autres viennent dessiner le cœur là-bas fléché, qu'on lui a déçu. Il m'informe qu'on l'a déçu, il dessine le cœur, et il met la fleur dedans, sur la voiture. Tu le regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il va pas avec cette personne? Si vous voulez vous fâcher, Satan va vous produire dans le sujet de fâcherie. D'accord? Souvenez-vous, si vous voulez vous fâcher, il y aura des événements pour vous fâcher. Alors, la foi n'est pas extérieure, mais c'est à l'intérieur. Et pour que ça soit à l'intérieur, ça manifeste, il faut que les événements de l'extérieur viennent tester. Quand Satan fait n'importe quoi, il te regarde que tu es serein, tu ne fais pas ces réalisations, il va changer les tactiques pour changer autre chose. Mais quand il sait que, quand il dit à quelque chose, ça t'énerve, alors il a un filet où il va te traîner chaque fois. Il peut créer des événements tout autour de toi pour t'énerver. Donc, les circonstances changent ton atmosphère comme il veut. Il le change comme il veut. Parce que ta foi n'est pas focalisée sur l'invisible, mais sur les choses visibles. Donc, Satan sait, ou s'il appuie, tu vas te fâcher. Vous me suivez, frère? Donc, lorsque nous vivons en tant qu'être humain, il y a donc des sujets de fâcherie. Mais la Bible nous dit dans ce Colossiens chapitre 3, verset 13, que s'il y a sujet de se plaindre, la première réaction d'un chrétien était pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Vous avez vu ça? On dit de même que Christ vous a pardonné. Vous devez méditer là-dessus. Comment on dit pardonnez-vous réciproquement? Il dit de même que Christ vous a pardonné. Il dit la façon dont on va se pardonner, c'est la façon de Christ. Comment Christ nous a pardonné, frère? Je veux vous m'expliquer. Comment? Quand il t'a pardonné, tu étais en règle? Non. Quand Christ vous a pardonné, chacun de nous, vous étiez en règle avec lui? Non. C'est que si vous étiez en règle, c'est qu'il n'avait pas besoin de pardon. D'accord? Oui. Il veut dire, souvenez-vous que Christ vous a pardonné alors que vous étiez fautif. C'est de cette façon que vous allez pardonner. Donc vous n'allez pas pardonner à quelqu'un parce que vous n'êtes pas fautif ou parce que vous n'êtes pas fautif. Non. Le pardon est donné lorsqu'il y a un problème. C'est pour ça que frère n'a pas besoin de mon pardon, il n'a pas besoin de pardon parce qu'on n'a pas de conflit. le conflit nécessite au milieu chrétien du pardon. Donc c'est n'importe quel problème. La première chose d'abord, c'est le pardon. Même si elle est faisable, pourquoi? Le pardon d'abord. Mais ça, c'est le cas des chrétiens. Que faire donc maintenant si on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas un croyant et qui n'est pas tenu ici à suivre les règles des Écritures et dont vous êtes en conflit? Vous suivez sa frère. Mmh. Ça, c'est la règle. Il dit que, revêtez-vous d'entrée de miséricorde. Il parle aux chrétiens. Vous suivez les chrétiens. Dans Philippiens chapitre 4, il parle des maudits et des saintiches qui sont dans. Que les anciens doivent les aider à être dans les mêmes sentiments. Donc, ils étaient en conflit. Vous savez, les sœurs, quand l'autre vient, elle a cassé mon plan, l'autre, je vous. C'est quand la bouche commence à se tordre comme ça. Puis on dit, salut votre sœur. Chacun salue comme ça, il s'esquive. Vous voyez, n'est-ce pas? Après, on dit, oh Seigneur, on élève les mains dans le même Seigneur. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ces choses-là peuvent arriver avec les mondes, mais pas avec les chrétiens. Parce que si tu es quelqu'un ici, on dit que salut quelqu'un, tu ne dois pas saluer. Tu dis qu'il m'énerve. Vous allez au ciel, vous allez faire comment là-bas? Vous deux là, vous allez au ciel devant le Père. Tu as dit que Dieu, tout ce que tu demandes du peuple, mais pas saluer cette personne-ci. Vous allez faire ça là-bas, frère. Non. Là-bas, il y a un point d'hypocrisie. Et ici, c'est le reflet du royaume du ciel. Le fonctionnement de l'Église, la façon dont nous allons vivre, c'est la façon reflétée du ciel. D'accord? Amen. On avance. Amen. Alors, supposons maintenant que quelqu'un te fait quelque chose. Alors, je pose la question distinctement. Et il ne pointe pour personne. Y a-t-il quelque chose que quelqu'un vous a déjà fait, qui vous a touché au point où quand vous pensez pardonner, ça ne donne pas? Qui a l'air quelque chose comme ça? Comme ça, on prend son cas comme exemple, on avance. Parce que cette personne s'est posé la question, que faire si lorsqu'on veut pardonner, on veut pardonner malgré que le commandement est donné? La personne sait que le commandement est là. Je ne parviens pas toujours à pardonner. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Non, ce n'est pas ce qu'il faut. C'est la deuxième question qu'il dit. Il dit, qui est ici, qui a un problème, qui a du mal à pardonner? Pourquoi? Ouais. Tu pardonnes tout? Moi, frère. Oui. Bon, je vais prendre l'exemple avec quand j'étais à Boston, chez ma belle, mon frère, ma belle, et bien j'ai perdu mon père. Bon. Dans la maison, on me maltraitait en fait. Mmh. Bon, je partais à l'école sans manger. Bienvenue à mon école, d'accord. Vous continuez. Et tout ça. Bon, chaque fois qu'on demande, on nous a demandé de demander pardon à tous ceux qui nous ont offensés. Oui. Donc, j'ai essayé de pardonner, mais une fois arrivé au village, en lui voyant, ça revient fort. Oui. Bon, attends là-bas. Voici pourquoi on a parlé des sanctions comme ça. Viens, frère, viens te tenir à côté de moi. On est dans la même école, on est passé par la même école. Alors, écoutez très attentivement. Une succession de conflits avec quelqu'un, c'est un peu comme ces papins, si on a mis un papin, on a mis un papin, implique une succession de construction de haine et de ressentiment et d'amertume. Même à votre absence, même sans que vous ne sachiez. Il y a des gens que si on dit que, est-ce que c'est telle personne venue ici? Tu entends, c'est pas quelqu'un. Si tu ne veux pas qu'on ait le problème, ne prononce plus son nom ici. Donc la prononciation de son nom même crée déjà des conflits. Alors ça veut dire que cette personne, si elle revêtue du coup contre le nom de la personne, contre la personne là. Vous savez, vous savez, n'est-ce pas? Alors, donc quand tu l'as vu au village, peut-être que c'était à une deuxième, à une seconde, à une fête. Et quand tu vois cette personne-là, tu as senti que quelque chose n'allait pas. Donc, explique-nous donc comment tu as fait pour pardonner la première fois. Tu pardonnais comment? Qu'est-ce que tu as fait par pardonner? Comment tu as fait? Bon, on va dire, j'essayais d'oublier. Donc, vous voulez prendre la place de Dieu, pas vrai, frère? Donc, non, voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Attends, donc, je suis en train de dire qu'il faut prendre ça pour expliquer la question-là. Et je crois que c'est la faute que beaucoup de personnes pensent qu'il faut que j'oublie. Non. Et vous voyez le secteur de Dieu qui dit non, pardonne et oublie. Le pardon est de ton droit et de ton devoir aussi. Mais l'oubli, tu ne peux pas. Personne ne peut oublier. Personne ne peut oublier. Si vous pouvez oublier le péché ou le pardon de quelqu'un, c'est que vous allez oublier un jour la route de votre maison. C'est pour ça que Dieu a mis ça comme ça, que tu ne puisses pas oublier. Que tu ailles quelque part, tu regardes comme ça la route, tu finis de regarder. Tu sais que tu viens la nuit, tu as encore regardé la même chose pour rentrer. Alors, ces choses, c'est le marquage ici. Le marquage que tu fais, c'est pour péter le marquage. Parce que tu dis, ok, Vous ne pouvez pas me dire, il y a un grand arbre assez carrefour. C'est pas vrai? Mm-hmm. Tu as marqué cela, vous n'êtes pas là? Mm-hmm. Oublié. L'Éternel sait que quand tu pars, tu reviens, tu dis, je te gâte. Ah, il y avait un enfant. Le grand arbre, c'est un point de repère. Tu avances. Si tu oubliais tes péchés, oublie le pardon là. C'est que tu parles que quelque chose en vous. Tu dis, j'étais, oh, tu ne peux plus rentrer. D'accord, frère? Donc Dieu merci pour le fait qu'il nous, on n'oublie pas. D'accord, frère? Amen. Mm-hmm. Donc, les gens confondent donc l'oubli et le pardon. Et les gens poussent certaines personnes à vouloir oublier. Et c'est l'oubli donc qui amène dans le problème que cette personne s'est allée les faire. Donc, c'est le problème de l'oubli. Ce n'est pas en somme le problème du pardon. C'est le problème de l'oubli. Parce que la personne essaie tant bien que mal d'essayer d'effacer ça de sa mémoire. Mais il ne parvient pas. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas le faire. Donc, il faut plutôt aborder ça du point de vue biblique avec Dieu. C'est-à-dire que quoi? Tu m'as fait quelque chose, je considère que tu n'as jamais fait cela. Et que même si tu l'as fait, c'est pour un but. Prenons un exemple dans la Bible, puisque nous restons là debout. Même quand il peut, je fais quatre debout. Reste, voilà, nous sommes comme ça. Tu vas savoir ce que ça fait aujourd'hui là. Alors, un enfant qui grandit avec ses frères, ils jouent ensemble. Le seul fait que Dieu a une grâce dans sa vie, qu'il a des visions, on le déteste. On l'appelle qui? On l'appelle qui? Joseph. Quoi que vous voulez, votre nom. Alors, Joseph a les songes, mais ses frères le détestaient de façon unanime. Quand il fait pour être détesté, tout simplement parce que Dieu a la grâce sur lui. Donc, ça veut dire que les grâces de Dieu peuvent attirer la haine contre toi. Vous voyez cela? Ok. Donc, ne pense pas quand tu dis, oh Seigneur, j'ai prié l'autre jour, j'ai eu une grande témoignature. Quand chacun regarde, on dit, oh, le frère est bien. Comment ça fait? Il fait encore pour que Dieu le fasse. Tout le monde ne regarde pas en basant de la même façon. Donc quand tu fais quelqu'un dit tu tues. Moi il prie chaque fois, je ne viens pas le songe. Quand tu pries chaque fois, tu n'as que les témoignages. Donc les témoignages même que Dieu fait pour toi pour attirer les convoitises et pour causer la haine. D'accord frère? Alors Joseph, un moment donné, son père l'envoie au champ, aller sonner ses frères. Il parle avant, il dit que voici le songeur. On va lui montrer maintenant comment le songe s'accomplit sur la terre ici. Ils ont plus l'ont vendu. Ses propres frères ont plus l'ont vendu. Ses frères l'ont détesté. On peut l'ont vendu. J'étais devant la citerne. Il a passé toute la journée sans boire dans la peau. On l'a vendu au Sabéen. Ils sont passés à le vendre en Égypte. Il allait comme esclave, méprisé, travailler sous le soleil là-bas. Aller là-bas, on l'a méprisé, envoyé en prison. Pensez que toutes ces années, quand il voit le frère de quelqu'un, avec le frère de quelqu'un jouer là-bas en Égypte, quelle image ça lui revient, hein? Ouais, quelle difficulté peut avoir. Ouais, tout ce qu'il a vécu pendant des années comme ça, sans plus jamais voir sa mère. Il est sorti de la maison un jour, il n'a plus jamais vu son père. Il ne peut jamais voir sa mère, il ne peut jamais voir ses frères. En plus, ça, il souffre à cause de. Alors qu'il n'a rien fait. Genèse chapitre 5. Bouge pas, reste ici. Tu prends quoi sur ça? Voici la mémoire de l'ici ensemble. Genèse. Alors, chapitre 5, je fais. Donc, écoutez-moi ton argument. De façon sommaire, si vous ne parvenez pas à pardonner, vous devez pardonner. Si vous ne parvenez pas à pardonner, vous devez pardonner. Si vous, ne, vous pensez que vous ne pouvez pas pardonner, vous devez pardonner. Dans Genèse chapitre 50, disons le verset 20. Prenons à partir du verset 15, d'accord? Je vais lire verset 15 à 20. Je suis dans Genèse chapitre 50. Regardez. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils disent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Où est-ce là? Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Il savait que Joseph avait le plein pouvoir maintenant. Dans leur cœur, ils savaient ce que le mal qu'ils avaient fait. Il se disait, mais alors, comme le gars, il était le chef de l'Égypte. Il avait le droit de vivre et de mourir sur n'importe qui. Donc, les gars se disaient que c'est parce que leur père était vivant qu'il ne voulait pas faire quelque chose. Et leur père venait mourir. Donc, on peut que c'est que leur est grave. Que tu vois une stratégie pour qu'il n'y ait pas vengeance. Ils disent maintenant que quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils disent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc, ils reconnaissent qu'il avait fait beaucoup de mal à Joseph. Et là, maintenant, je concoctais un mensonge. Il dit que ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut dire à Joseph que quand papa était vivant, il avait dit que quand s'il ne met pas la main sur nous, hein, parce qu'il savait que quelle relation il avait avec son père. Regardez, verset 17, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, mais les serviteurs sont serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Donc même ça, il a cru. Il dit, mon père dit ça, que je vous pardonne. Mais regardez, verset 18, ses frères vers eux-mêmes se prosternèrent devant lui et lui dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Verset 21, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Si c'est le Pentecôte d'aujourd'hui, monta au pouvoir, c'est que chacun va se sauver qui peut. Parce qu'il va les traiter. De regarder ton ennemi, parce que mon frère, de regarder quelqu'un qui est en discorde avec toi, avec amour, et qui tombe, la personne de le tomber, tu viens en aide. Ça, c'est le pouvoir de l'amour du pardon. La Bible va même plus loin en disant, ne devait pas désirer la mort de ses ennemis. C'est pour ça que quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu pour diriger, Dieu dit, mais puisque tu n'aimes pas demander la mort de tes ennemis, parce que lorsqu'un roi avait un pouvoir, il y a des gens qui sont dans le cœur qui conseillent que celui-ci était en conflit avec Jean, le fils de son frère et autres là-bas. Il veut demander à Dieu que tu veux la mort de mes ennemis. Il ne faut pas demander la mort de tes ennemis. Dieu nous reconnaît par là que c'est une bonne action de ne pas demander la mort de ses ennemis. Vous avez vu cela? Moi, je suis frère. Amen. Les pentecôtistes de jour, on les a amenés d'avoir dit que d'avoir ainsi quelqu'un est dans tes périmètres. Tu es un enfant du Très-Haut. Tu as le feu comme un brûle. C'est ce qu'on a enseigné. Et c'est malheureux. Elle lui dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Commande donc, tu vas donner à manger à ton ennemi. C'est donc ça parce que Jésus a dit que tu donnes ça. Non. Jésus veut dire, laisse faire. Regardez ce que Joseph dit. Il dit, vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Or maintenant, vous ne verrez nulle part dans la Genèse où Dieu a dit que faites ceci, que c'est bien ça. Tous les événements arrivent tout simplement comme c'était naturel, que ça arrive comme ça. Mais Dieu est derrière. Et la Bible nous explique dans le Nouveau Testament que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, maintenant, voici son cas. Il dit que c'est parce que son père était mort. Je sors mon cas, là, il va pleurer en commun de son cas. Il dit que c'est parce que son père était mort, il avait d'abord le menacé. Écoutez bien, attentivement. Viens ici, mon cher. Les menaces, les difficultés que vous subissez dans la maison d'autrui sont des formations caractère. Amen. Les gens, ça passe là. Vous habitez dans une maison où quelqu'un a son enfant et vous à la maison. Quand il faut faire le travail difficile, ça fait comme bon. Il déteste son enfant, lui, sans s'en rendre compte. Parce que demain, cet homme-ci n'est plus là, l'enfant ne sait pas faire quoi que ce soit. Toi, quand on disait que l'être avant, je fais la nourriture, tu peux te battre. Vous comprenez cela? Amen. Donc, il faut remercier le Seigneur pour le caractère qu'on te menace en te donnant. Donc, tu reçois une formation gratuite normalement. Ça veut dire quoi? C'est que son père ne lui a pas donné comme formation, c'est ça qu'on lui donne avant. Mais, dès l'approche, première approche, on trouve ça comme menace. Dès la première approche, on trouve ça comme menace. Parce que normalement, personne ne veut souffrir. Il souhaiterait que si on allait voir Katharina, tout le monde voit ensemble. Or, Katharina ne lui apportera rien dans son caractère que la destruction. Le fait d'aller dans la nuit, aller acheter du pétrole, traverser le noir, il traverse l'arme du courage. Tu dis à son frère qui habite la maison, qui est le fils de la maison, que va pisser de l'eau, il dit qui va pisser de l'eau. Il est aussi là-bas, parce qu'il n'est pas habitué. Oh, toi, tu es obligé d'aller apporter le pétrole, sinon tu vas savoir ce qui se passe à la maison. On te donne comme ça la formation sans que tu te rendes compte. Mais toi, tu reçois ça parce que sur le coup, tu vois qu'on te menace. Et là, ça construit des choses. Mais Dieu derrière, il te fait passer par son école, c'est ainsi. Tout au long de la Bible, on peut le voir. D'accord, mes frères. Amen. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes voient. Même le mal que quelqu'un vient devant toi, il te fait. Quand là, j'ai fait Jésus, il avait fait quoi? Rien. S'il disait que, mais, tu me suis pourquoi? Je vais te montrer que je suis Dieu. C'est là qu'il pouvait s'en sortir. Non. Pourquoi il n'a pas réagi comme ça? Parce que le fait qu'on fait. Sur sa joue, n'allait pas giquer devant son nom. Nous sommes d'accord? Amen. Même si il y a des forces, il dit, mais tu me forces. Il y a une personne qui tu dis que ta mère, il dit, mais la mère qui m'a porté au monde pendant 9 mois, lui qui t'a insulté, sa mère fait comme de moi. Donc, on dit que c'est la égalité. Alors, il y a des échos dans le monde qu'il faut qu'on arrête. Souvenez-vous de ceci. aucun conflit humain ne manque de solution. Aucun conflit humain ne manque pas de solution. Parce qu'avant que le conflit ne soit là, il y a la solution. Ça, c'est un. De deux, tout conflit a un but. Tout conflit. Vous voyez dans la Bible, vous allez voir les guerres, vous allez savoir que les guerres là sont programmées. C'est dans le plan de Dieu. En fait, il a dit qu'il y aura des guerres, des familles, pas vrai? Mm-hmm. Quand la famille, quand tu vas crier, quelqu'un va prendre ton pain. Dans cette famille-là, quand tu vas mettre ta nourriture, tu rentres, tu ne vois pas. Alors quand Dieu y a famille, tu vas avoir le problème avec quelqu'un, que ma nourriture qui était ici se trouve, la bagarre va commencer. Mais dans la profession, on va dire que quand il y aura la famine, on va voler ta nourriture. On va dans le groupe, la grosse prophétie. D'accord? Et là, tu as un conflit avec quelqu'un, tu vas me donner ma nourriture. Là, tu vas manger, tu veux qu'il prenne ça où? Donc il faut pardonner, dis à ton voisin, il faut pardonner. Parce que chaque conflit a un but. Chaque motif de frustration a un but. Ces choses-ci, quand ils sont les dire, si le frère se me fait quelque chose, quand je pardonne à ce frère-ci, et que je ressens que je l'ai pardonné, et il ressent qu'il m'a pardonné, et que je puisse encore l'asseoir comme ça, parler de lui, on s'assoit, on parle d'autres choses, sans plus revenir là-dessus. C'est un entraînement. Pour nous donner l'assurance que, comme on était péché sur la terre, c'est véritablement une solution à s'asseoir avec Dieu, parler avec lui, sans qu'on ne se mentionne plus nos péchés. Alors, si tu demandes de pardonner, comment tu penses que tu vas t'asseoir devant Dieu pour pardonner aussi? Pour parler avec lui. Dans ton voisin, pas de pardon, pas d'accès avec Dieu. Et il n'y a pas quoi que ce soit sur la terre que quelqu'un puisse te faire que tu ne peux pas pardonner. Souvenez-vous de cela. Il n'y a pas quoi que ce soit, parce que si Dieu te donne un poids, si Dieu entre dans la maison du péché, au ciel, la maison de condamnation, on dit que péché nous rend le regard au terre. Parce qu'on dit qu'il y a six choses qui est l'éternel, et même sept dont l'on a en abomination. Il dit que le pied qui court au mal. Tu as couru au mal combien de fois? La langue qui dit des paroles au mensonge. Tu as dit combien de fois? Si seulement ton cahier est dossier de mensonge, sans toucher le dossier de regard au terre, sans toucher pour la convoitise, il sort un dossier sur toi. Tu vas t'en sortir, frère. Tu as ton mensonge, il faut pardonner. Tu as intérêt à pardonner. Vous avez suivi? Amen. Pas mon frère. Donc la difficulté à pardonner vient du fait que, un, on ne saisit pas d'abord le pardon du Seigneur. Et si vous connaissez chapitre 3, verset 13 nous dit que l'on a pardonné comme Christ nous a pardonné. Or, Christ nous a pardonné alors que nous étions encore des pécheurs. Quand Christ est venu, il n'a pas entré en contestation avec nous. Il n'a pas dit que tu m'as fait tes choses, tu m'as fait tes choses, tu m'as fait tes choses. Non. Il t'a pardonné. Parce qu'en réalité, toutes les confessions que vous faites maintenant, vous regrettez seulement d'avoir commis cela. Mais avant cela, il a déjà pardonné. Donc, Christ a pardonné avant qu'on ne vienne lui demander pardon. Où est-ce là, frère? Amen. C'est ça? C'est ça. Alors, il n'y a pas de péché, ni de conflit que vous ne pouvez résoudre par le pardon. Souvenez-vous, vous pouvez pardonner, mais vous n'avez pas la propriété d'oublier. D'accord? Amen. Donc, il faut donc demander au Seigneur que Dieu vous donne un cœur qui pardonne. D'accord, frère? Amen. Prenez l'exemple de David. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 18, vous allez voir comment David va, Saül, le roi qui était en place, va chercher des occasions de chute au point de dire à ses conseillers, allez proposer à David de devenir gendre du roi. Il a dit, mon cher, vous pensez que c'est facile d'être gendre du roi comme ça? Vous ne connaissez pas le type qui est là-bas. Il lui a dit, donne-moi 100 propices pour donner, ne demande pas de donner, mais donne-moi 100 propices des Philistins. Vous voyez, effectivement, ici, il savait que Dieu avait un ami. Il cherchait les moyens pour le faire tomber. Il a envoyé là quand il devait l'ennemi. Ouais, oui, je vais vous comprendre quelque chose. Dans l'intention, c'est que pour les propices, c'est ce qu'on appelle propices. Propices de Philistins, ça veut dire que c'est les hommes de guerre. Tu vas devoir le tuer pour couper son propice, frère. Et il est comme ça, sans. Qu'est-ce qu'il dit à David? Il dit, va mourir. Est-ce que c'est David est parti, il a apporté combien? 200. Il a apporté. Plus il cherchait à tuer David, plus il poussait dans le camp de l'ennemi, plus David recevait encore la formation pour être plus fort. Bon, pourtant, dans sa pensée, il lui fait tuer David. Vous voyez effectivement comment l'intention de faire périr pousse la personne plutôt dans l'éducation et l'entraînement pour sa propre vie. Vous voyez? Alors maintenant, David, regardez la réaction de David. C'est pour ça que vous allez voir la réaction de tous ceux qui sont descendus de Dieu dans la Bible. David a plusieurs fois eu l'occasion de le tuer. Pas vrai, frère? L'a-t-il fait? Non. Si c'est lui qui avait l'occasion et que Saül voyait ça, il devait faire comment? Sans regretter, pas vrai? Il vient de se jouer dans une grotte. Dieu crée quelque chose. David descend de ça, il coupe son vêtement. David dit que son cœur a battu. Il a coupé le vêtement, pas le corps. Mais son cœur a battu. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il n'a pas le cœur de faire le mal. Quand il y a un conflit, c'est une autre personne. Westman, n'est-ce pas? Là. Il dit, ah, mon cœur battu. Après, il dit, où est-ce que tu es, Christophe? Pourquoi tu n'as-tu pas protégé ton roi? Il a va de côté, pourquoi tu n'as pas protégé ton roi? Tu ne dois pas faire comme ça. On doit protéger le regard qu'on ne dort pas. Il montre comment son vêtement, il dit, voici ton vêtement. La même façon, il dit, David, c'est toi, mon fils, que tes ennemis périssent, hein? Que tu, la personne qui voulait tuer David, dit, que même tes ennemis doivent prophétiser pour toi. Où est-ce là? Alors, David m'a tué. Oui, excusez-moi, mon cas est. Si on ferme un seul puits, on te ferme le seul puits pendant 20 ans. Oui, désert. Oui. Comment tu peux exercer ce genre de pendant? Le puits d'eau, l'unique. Oui, que tu peux boire. On le ferme, en plein désert. La Bible. Abraham avait chassé Agar, pas vrai? Oui. Là, on essaie de pardonner et vous ruminez toujours votre désastre. Ça remonte. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? La personne qui ferme le pendant 20 ans, il est éternel sur la terre. Non. Si Dieu l'enlève ou son souffle quitte, mais il est vieux, mais il ne peut pas exercer. Voulez-vous encore faire? Non. La Bible déclare que dans la délivrance, il ne s'agit pas de la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Quand Adam a eu le problème avec le conflit avec Sarah, Dieu a dit à Sarah que je ne veux plus abandonner habiter avec cette femme-ci, chasse-la. Ça a dérangé Abraham. Abraham, Dieu était obligé de dire avant que tu fasses écouter ce que Sarah dit. Quand on a chassé Agar, elle est allée dans le désert. Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits d'eau pour qu'il boive avec un enfant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je recommence encore. Toute tentative d'arrêt de votre destinée n'est qu'un stop de Dieu pour te préparer pour les différentes choses qui vont arriver plus tard. Mm-hmm. Je veux recommencer ça. Il n'y a rien qui arrive au hasard, rien. Quand vous prenez le cas de Jésus, quand il est né, on a voulu le tuer, n'est-ce pas? En tuant les enfants. À un moment donné, l'ange vient entre en scène et dit, va en Égypte. Quand il se trouve en Égypte, Joseph, Marie et Jésus, ils grandissent en Égypte. Les Égyptiens ont établi le sauveur sans s'en rendre compte. Pas vrai? Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Le mort est arrivé. Les personnes qui voulaient tuer, merci beaucoup. Ah, mon aile semblable. Donc, Hérode qui a voulu tuer l'enfant Jésus. Entre Jésus et Hérode, qui est mort avant? Hérode. Il a réussi? Non. Il avait tout le pouvoir. Pas vrai? Il a sorti un décret pour chercher Jésus-Christ pour tuer. Et beaucoup de personnes qui sont nées ces jours dans malencontreusement sont morts. Jésus lui n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre décret qui est écrit qui doit mourir plutôt à la croix, n'est-ce pas? La question c'est, depuis ces 20 ans-là, appelons ça puits d'eau. L'unique puits d'eau. Depuis la personne qui a ce puits d'eau qu'on a fermé, est-il mort? Non. Donc, Dieu veut dire, laisse ce puits-là pour qu'on jambelisse ça, pour que les insectes meurent dedans. Quand ça va mourir, l'eau pourrait être potable. Donc, ce n'est qu'une pause. Le vrai problème avec nous, et c'est cette chose, c'est que quand les événements arrivent en premier lieu, ça semble choquer. Parce que ça nous donne à souffrir. Et notre corps et notre être n'aiment pas d'abord la souffrance. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que mon frère, il est militaire. Si tu entres comme il est militaire, si lui m'en va au camp d'entraînement, et que je dois suivre la formation de lui, là où il est là, c'est comme on parle en rien, il ne va plus faire ça. Il va me faire la gymnastique. Et même s'il va faire ça aujourd'hui en 4, il ne va pas faire 8. Si tu ne comprends pas le ce principe-là, qu'il faut qu'il t'inculque une notion pour que tu sois fort. Là, le métier, c'est méchant, il est méchant, mon instructeur est méchant. Il n'est pas méchant. Il te forme à être un ami. Parce que si l'ennemi te capture, demeure, c'est ce qu'ils vont te faire plus que ça. On te communique derrière le principe de la résistance. Est-ce que vous comprenez? On vous dit de faire le marche commando 15 km en portant des charges sur le dos. On te dit pas, parce que quand vous êtes en guerre, si quelqu'un dit qu'il pense à nourriture haut là-bas, tu ne dois pas dire que tonton, donne-moi ta nourriture. Tu dois avoir ta barre. Donc si on ne parle pas, si on s'entraîne, tu ne peux pas porter, il n'y a pas de problème. Il y a des gars qui marchent comme ça là. C'est ça pèse, il prend le tabac, il prend le tabac, il prend le gêne, je ne sais pas. Quand tu vas avec un paquet de la famine, tu vas demander à quelqu'un qui va te voir. Ou toujours tu es dans la même famille, tu es censé avoir ta nourriture dans ton. Il ne te donne pas. C'est pas ce qu'on se comprend. Or, ces formations, elles sont nécessaires pour toi, pour que tu puisses avoir le droit de suivre. Quand tu es dans un endroit perdu dans la forêt, que tu puisses te suivre avec n'importe quel élément que tu as autour de toi. Mais dès le départ, quand tu es en conflit, tu dis non, il est méchant. Donc, beaucoup de personnes démissionnent, ils disent que je ne veux pas. Parce qu'il ne veut pas cette éducation-là. Mais quand quelqu'un sait ici, dans son cœur, que quelqu'un est passé dans cet entraînement-ci. Il a traversé. Celui qui est devant moi, mon instructeur, veut mon bien. Tu te soumets tout simplement parce que tu sais que ce ne sera pas permanent. L'instruction qu'il a fait, la formation qu'il a fait n'est pas permanente. Donc il ne doit pas faire ça chaque fois. Quand il a fini son époque, c'est pour une période bien déterminée. Après, on va sortir. Pas vrai? Quand tu sors, tu as acquis cela. Quand tu sors de cette période, tu as acquis la notion qu'on voulait que tu as acquis. Pas vrai? Le problème là, c'est de là. Tu sais que quand on entre en période, on a 4 mois d'information. Chez Dieu, il ne dit pas. Donc tu n'as pas vécu 20 ans. Pour Moïse, il a fallu 40 ans. Pour l'autre, Sarah peut presque 50 ans. Pour qui encore? Pour l'autre, fait 40 ans paralytique là dans Jean chapitre 5. 38 ans. Vous voyez? Cette offre, chacun a son tout chez Dieu. Chacun a son tout chez Dieu. Chacun a son lot. Chacun a son lot. D'accord, frère? Imagine, Dieu montre à Moïse et ses parents lui ont dit que tu es le libérateur parce qu'il savait par révélation que c'était Moïse. Il reste en des jours, il attend fatigué, aucune voix ne lui parle. Mais il ne sait pas que les circonstances peuvent parler aussi. Dieu parle par les circonstances. Dieu a nécessairement besoin de dire, lève-toi, va au désert que je te parle. Non, il ne dit pas comme ça. Il crée un mouvement là-bas. Un juif fait là, toi, à son frère, toi, comment tu peux faire? C'est l'expression du juge là-bas. C'est un juge, celui qui entre dans le conflit pour mettre la partie. Il a commencé à exprimer les sens avant le corps. Vous voyez ça? Il parle de Moïse là. Alors maintenant, quand il veut conseiller le juge, on lui pose la question. Est-ce le temps, enfin, il veut poser la question à mon langage, à mon disque, la Bible dit. La Bible déclare, je vais expliquer l'histoire de Moïse pour que tu comprennes bien. La Bible déclare que Moïse est passé un jour, il lui vint à cœur, j'aime ces paroles-là, il lui vint à cœur de visiter ses frères. Donc c'est le jour où il vient à cœur de visiter ses frères qu'il y a un conflit dehors qui va résoudre. Voilà, il juge la Bible. Il voit un Égyptien qui maltraitait ses frères. Ça, il dit que merde, tu ne dois pas le maltraiter. Dieu lui donnait comme ça son cœur pour qu'il voit comment il a de voir son peuple devant de lui. Alors il voit comment un Égyptien le maltraite. Il dit non, il doit faire. Il a tué l'Égyptien là. Que merde. Vous avez montré que Dieu va traiter les Égyptiens comme ça et libérer ce peuple-ci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans sa propre vie, dans la marche, Dieu nous montre des prophéties, ce qui va arriver. Alors le lendemain, encore, il est encore parti, il a vu là cette fois-ci. Écoutez bien, c'est un juif et un juif qui sont une bagarre. Il était un Égyptien et un juif. Il a tué l'Égyptien. Donc Dieu, dans le conflit entre les enfants, ses enfants et les enfants du monde, il va traiter le monde. Mais pour les enfants, lui, c'est à la maison. On résout ça différemment. Il a dit, mes frères, vous êtes les frères, vous ne devez pas vous battre. Donc c'est injuste. Il n'y a pas de loi écrite que le frère ne doit pas se battre. Comment lui, il sait ça? Comment? Parce qu'il est législateur. Il est né prophète législateur. Alors sa mentir, l'un parmi eux dit que tu as aussi même tué comme tu as tué l'autre là-bas. Donc ça veut dire que c'est une fois que c'est injuste, un juge par impatient et un juge partisan. Il s'est tourné vers Moïse. Enfin, la question que je lui poser, c'est que est-ce le moment que je dois être jugé sur nous? On dit qu'à cette parole, à cette parole-là, il s'enfuit dans le désert. Quelqu'un qui est un chef en Égypte, à cette parole, il y a quelqu'un qui est bagarré. Il dit des peurs que des choses, comment il a dit que, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué cet Égyptien hier? Donc il me dit que non, la parole comme il tue un Égyptien hier, par coup, par tout. Mais c'est un fils du roi. Il n'a pas peur qu'on tue un paysan de l'Égypte. Non, ce n'est pas le moment qu'il fuit à cause de cela. Vous voyez? Et bien, il parle dans le désert. Voilà les circonstances que Dieu a créées pour l'envoyer dans le désert. Il parle dans le désert, il parle Madian, il parle autant de libérateurs. Mais. Alors ici, des choses dansent par son esprit. Moi-même, avec dit que c'est libérateur. Les gens ne vont que crier là-bas. Un an, ça passe. Il part chaque jour. 2 ans. 3, 10 ans. 4 ans. Imagine donc comment il a dû être dans cette circonstance-là, ne voyant plus son peuple, vivant dans un pays, toi, étranger, avec les choses qu'on a déjà dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Les choses qu'on a racontées sur Dieu, que Dieu a fait comme ça, Dieu a promis les choses, des promesses. Il ne prie rien. 10 ans, 20 ans, 30 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un de ces jours, il sort maintenant, il entend Moïse. Donc les limites, en ce qui concerne notre vie spirituelle, c'est Dieu qui fixe les limites. Il donne les données, il paramètre les équations, il donne la solution. D'accord? Si tu es des dieux, les circonstances de la vie ne sont pas contrôlées par toi. Si tu es des dieux, les circonstances de ta vie ne manies plus rien. En fait, vous allez courir. Dieu dit, si vous avez couru avec un homme qui te dépasse, c'est avec le cheval que tu vas gagner. Alors, si tu te bats avec le monde, ça ne te laisse pas. Tu vas te battre avec Dieu. Donc, ça veut dire, forcément, dire que, allons-y. Prends tout au Seigneur. Comment j'avais ça? Oui, prends tout au Seigneur. Oui, prends tout au Seigneur. Oui, prends tout au Seigneur. Tu donnes. J'abandonne tout avec bonheur. Bien sûr, c'est le cantique, Charles. C'est le sang qui vous fait seulement pleurer. Mais vous ne comprenez pas l'implication. Vous dites que Seigneur, prends tout. J'abandonne sans rien à moi. C'est pas ça, hein? Après, dit que mon bruit. Tu as abandonné dans ça, tu as oublié un bruit que tu vas abandonner à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant? Il dit, hey, Seigneur, il y a un homme d'entendant. Oui, prends tout, Seigneur, prends même ses pluies. Oui, prends tout, Seigneur. C'est ce qu'il faut faire, d'accord? Souvenez-vous, si vous êtes chrétien, tout ce qui a à voir avec vous est chrétien. Tout. Je vais vous expliquer ça ici. Donc, il suffit que Isaac soit quelque part. Quelqu'un dit, je suis serviteur d'Isaac. À cet instant-là, il part quelque part où il n'y a pas de puits, il creuse, il y a le puits, parce qu'il est connecté à Isaac. Alors que d'autres personnes qui ne sont pas les Isaac creusent, ils creusent son puits. Si tu creuses ta part, l'eau ne sort pas. Tu creuses parce que tes doigts finissent. Et le serviteur d'Isaac creuse le puits là-bas, il l'a fait parce qu'il est serviteur d'Isaac. S'il quitte maintenant demain, il dit, serviteur d'Isaac, il part serviteur des frères Achille. Il part encore creuser le puits, ça ne donne pas. Parce qu'il a quitté sur la connexion. Vous comprenez? Alors, ça veut dire, tes conflits ne sont pas tiens. Ce sont les conflits ordonnés par Dieu. Comme système de formation dans ta destinée. Ça ne doit pas faire crier la colère. Hébreux chapitre 12. On va sortir là-bas, d'accord? Donc, pour les cas de personnes qui ont des difficultés à pardonner, comment faire? Vous devez pardonner. Donc, si vous avez quelqu'un dans vous qui vous dit, je ne veux pas le parler, je veux le voir, vous ferez mieux d'aller rencontrer la personne. Vous ferez mieux d'aller rencontrer la personne pour confronter la chose comme ça que je te parle. Si vous n'avez pas à pardonner, et si vous ne pouvez pas pardonner, dites Seigneur, je lui pardonne un point, un truc, et laissez ça entre les mains de Dieu. D'accord, frère? Amen. Dis-lui quel livre? Hébreux chapitre 12. Oui, Hébreux chapitre 12. Regardez. Venez à partir du verset 4, d'accord? Écoutez très attentivement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Vous avez vu ça? Donc celui qui te châtie, parce que tu as un problème. Il dit, et qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Pourquoi ça m'arrive? Parce que tu es fils de Dieu. Est-ce que les fils de Dieu passent par le camp d'entraînement divin? Vous avez suivi? Si vous êtes un bon parent, un parent qui a les attributs de Dieu, et que vous voyez votre enfant le bagarrer dans la rue avec quelqu'un, quand vous venez vous le séparer, vous tournez vos enfants, votre enfant, vous lui donnez une bonne gifle. Pas vrai? Si vous donnez un gifle à l'autre enfant, vous aurez le problème. Nous sommes d'accord. Un parent digne de ce nom amènerait son enfant à la maison et le corrigerait. Vous voyez, maintenant, vous frappez cet enfant pourquoi? Dites-moi. Pour qu'il ne recommence plus à plein des bêtises. Des bêtises. Donc, allez, c'est une bêtise. Ok, maintenant. Pourquoi on n'est pas frappé avec celui-là aussi? Il luttait parce qu'il pouvait aller lutter avec l'air. Avec quelqu'un, non? Mais pourquoi on n'est pas frappé aussi celui-là? Comment? Celui-là n'est pas dans le camp. Son père qui doit l'éduquer. Donc vous venez sur votre enfant et vous le corrigez. Vous le mettez sur la bonne voie, ton enfant. Oui, ton enfant à toi. Oui. Je sais que dit que la circonstance ici, votre enfant est de lutter avec quelqu'un. Oui. Vous venez prendre votre enfant, vous tirez les deux chez vous, les chicotez à deux. Non. Pourquoi ne le faites pas pour l'autre personne? Il n'y a pas de non, pour lui préparer un avenir. Non, suivez bien la question. La question c'est, l'enfant est de lutter avec une autre, avec un autre enfant. Quand vous venez vous séparer, vous amenez qui chez vous pour frotter? Ton enfant. Pourquoi pas l'autre aussi qui a des lutteurs contre ton enfant? Le mien. Donc qui doit le corriger? Son père là-bas. À la lisance de la Bible. Vous amenez, vous comprenez bien la Bible. Pas vrai? Maintenant regardez. Verset 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais c'est supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous avez vu ça, frère? D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, il est sur le plan charnel maintenant, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Écoutez bien ce qu'il dit, il t'en est dit tout à l'heure. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, soulignez exercés dans votre vie, exercés, un fruit paisible et de justice. Et justice. Vous avez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Amen. Alors, l'école de Dieu, c'est l'école de châtiment. On dit comme nos pères, comme Fred là. Or, vous avez entendu un chicoté fouetté de Dieu? Non. Ça veut dire ces événements-là, ces choses-là, que Dieu ne fera pas avec cela. Tu restes comme ça, tu dis que je suis vraiment la face du maquereau. C'est comme ça, on va te briser ce nom. Il n'y a pas de problème. Si Dieu a dit que c'est ton chemin là-bas, personne peut, même si quelqu'un vient pour t'aider, pour te sortir de ce chemin-là, il va seulement porter sa part. Si il a dit tu vas porter le lot là, tu vas porter ça seul. Ou c'est ça, frère. Mm-hmm. Ok. Alors, on nous explique ici là que il est vrai que tout châtiment semble d'abord être. Parce que l'homme ne peut pas souffrir. Le problème, c'est qu'on le comprend parce qu'il est là, mais lorsque c'est accompli, on retrouve l'exercice, on comprend que plus tard c'est paisible. C'est pour ça que un père, la Bible déclare clairement qu'un père qui ne connaît pas son enfant avec la verge est son fils. Voilà le frère, c'est des principes que les gens ne comprennent pas. Non, ne tape pas mon enfant, il ne veut pas qu'il y ait des blessures sur lui. Attends qu'il n'ait pas volé à main armée. On va le cajoler à celui. Vous comprenez ça? Ou bien qu'on l'arrête avec le verdict populaire veut arrêter. On va mettre la roue sur lui, le calife, que la roue ne le touche pas. On baisse l'essence, on le brûle un peu seulement. Tu vas savoir qu'il fallait le chicoter pour que l'esprit du mensonge là part rapidement. Vous comprenez? Mais le verset 11 dit ici que il est vrai que tout châtiment d'abord semble être négatif. Ça semble être. Parce qu'arrêter, notre être n'aime pas qu'on nous châtie. Il y a des gens qui disent que. J'aime les critiques, hein, tu dis vraiment, hein, oui. Il dit, ce que tu appelles, tu n'es pas bon. Il ne me dit plus des choses comme ça. Arrêter n'aime pas les critiques. Ici, il veut faire semblant d'humilité. Parce que normalement, chaque être humain aimerait qu'on l'apprécie. Vous savez qu'une femme, même si elle met la nourriture dans le sel, même si elle met celle dans le nourriture, c'est amer. Tu fais une bonne lui dire que chérie, ta nourriture là, ça sent bon. Hein, pour qu'elle accepte le bon côté d'abord. Hein? Mais la sel, si tu avais acheté ça à combien, mais tu as la maison comme ça, au niveau du sel. Passe directement au sel, elle va dire que non, tout ce que je fais, c'est dans la maison, si. Tu ne le connais pas. Mais même si on est comme ça là. La prochaine fois, tu finis, mais tu ne pas demander de boire. Tu vas faire tout le monde un reflatement. Même les filles, regardez les filles dehors. Vous voyez une fille, elle est grasse comme ça. À 5 heures, elle se réveille, elle ne sait plus, elle ne saurait pas de courir. Elle veut courir pourquoi? Pour parce qu'il y a la cible de Marima, qu'on a dit que c'est ça qui est bien. Alors qu'elle passe, tu es belle, hein? Elle aime ça. Elle a besoin de sa dose. Une femme passe un mois, deux mois, on ne le fait pas. Elle passe le temps dans le miroir, elle dit. Qu'est-ce qu'elle met avec moi? Aucun homme ne le suit. Donc, le fait qu'on ne le suit pas, c'est un problème. Parce que l'être humain aime qu'on l'apprécie. L'être humain aime qu'on l'apprécie. Voilà pourquoi les chefs d'État, vous voyez comment on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Monsieur le Président, tout va bien. Parce qu'il va entendre que tout va bien, tout va mal. Que c'est vrai, il va dire que ton problème, c'est quoi? Amen. Amen. Bonsoir. Parlez-moi, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellence, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Oui, allez dans le défi là-bas. Que tu vas bénisser là-bas, tu vas voir. N'est-ce pas, il veut aller à Bacalé à l'hôtel. Qui descend là-bas, il va le dire. Même ici, maintenant, personne n'a dit que ça va bien. C'est lui qui va aller à l'hôtel. C'est lui qui va aller dire que tout va bien. Non, non. Qui va toujours dire. Qui descend là-bas, il va dire que nous voici dans la rue là-bas. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Souvenez-vous, quel qu'en soit ce qu'on vous a fait, quel qu'en soit quiconque vous a fait, vous avez intérêt à pardonner parce que vos destinées spirituelles sont liées au pardon. Et Jésus nous a pardonné une fois pour vous. Il a fini avec nous. Il ne finira jamais nous juste quoi que ce soit. Nous devons seulement garder la course en marchant dans l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le signe de donner son fils unique pour mourir pour nous, alors que nous sommes des pécheurs, montre que. Il a oublié le problème que nous avions ensemble. Continuons la route maintenant sur une voie nouvelle. D'accord, frère? Amen. Alors, quelque chose que quelqu'un t'a fait, tu peux pardonner et tu dois pardonner. Amen. Souviens-toi du Seigneur Jésus-Christ que c'est un poids de ton péché, d'un péché, non le poids qu'un péché, un seul des poids, surpasse tout ce que quelqu'un peut avoir fait sur la terre. Parce que le prix de ça et la conséquence, c'est la mort. Et il n'y a pas une quantitativité de l'argent pour payer la vie. La vie doit être donnée par don venant de Dieu. Et il nous impose que la solution, c'est pardonner. Amen. Amen. Que Dieu si mon frère me vole ma Bible une fois, il me demande pardon. C'est toi qui as dit que je vais pardonner. Oui. Il vole la deuxième fois. Oui. Il me demande pardon, je vais pardonner. Même si c'est comme ça que tu as dit, il faut que tu pardonnes. Si maintenant la prochaine fois, je me méfie dans les prendre ma Bible, je garde mes choses, est-ce que c'est la bonne attitude? Tu es prudent, non? Quand tu dois chez toi, tu ne fermes pas la porte. Tu fermes la porte, non? Quelqu'un d'un venu chez vous voler. Pourquoi tu fermes alors? Bonne soirée.